Au lendemain de cet événement, que dis-je, notre événement. Je ne réalise toujours pas ce que nous avons accompli. Aujourd'hui, je suis fier. Fier que ce sacre soit français. Fier de l'engouement national que j'ai ressenti hier soir. C'est donc avec ce mélange de fierté et d'émotion que je tenais à remercier toutes les équipes de production. Pietre et Mehdi, mes passeurs. Julie, qui était persuadée que j'allais décrocher la Légion d'honneur. Guéguette, qui m'a soutenu mentalement, malgré ses problèmes d'hémorroïdes. Merci à tous nos auditeurs qui étaient présents pour gonfler des ballons. Merci à Kinvé, qui a pris le temps de me masser entre chaque passage. Et mille merci à Coco, qui a su trouver les mots entre finesse et affection afin de me remotiver. Je cite, t'as intérêt à le battre ce record. On a passé l'émission sur ça et ça m'a coûté un bras en confetti. Ce sont ces derniers mots qui nous mèneront vers la victoire. Notre victoire. Dans une conjoncture française assez compliquée, c'est réellement un beau message pour notre pays, représentant plus que jamais nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Merci. Gloire est arrivée. C'est le jingle le plus branlette que j'entends de ma vie. Puisque, au cas où vous ne le sauriez pas, Loris a battu hier le record du monde d'éclatage de ballon avec les fesses, mettant l'Américain minable. Minable. Puisqu'il avait fait 68 ballons et nous, nous avons fait combien ? 77. Oh là là. Dans nos bras. Éclater des ballons avec les fesses. Si ça amène un peu de bonheur. Et pour une fois qu'on a un public qui connaît la Marseillaise. Oui. Tu l'avais en entier ta Marseillaise. Oui, c'est pas un bout, d'accord. Bienvenue à la France. Effectivement, nous sommes champions du monde. Nous sommes donc recordman du monde et nous sommes pas peu fiers. Et là, des gens qui vont se brancher sur Énergie vont se dire mais ils sont champions du monde de quoi? Oui, d'éclatage de ballon avec les fesses. Et alors, un record est un record. Et ça, c'est une demi-page dans le Guinness Book. Exactement. Et on en est fiers. Je suis fier de toi, mon bonhomme. On en est très fiers. Bravo, je suis fier. Tout à l'heure, avec nous, il y aura MHD. On est mardi soir. Ce soir, on va se faire une belle émission avec plein de surprises. On aura demain Richard Orlinski et Eva Simons. Ouais. Oui. Alors, hallucinant, Richard Olinski. Je savais même pas qu'il était DJ. Il va nous faire un loup. Il va nous faire. Lui savait pas non plus. Je pense. Il va nous faire un loup. Il va nous un faire. Gorille. Un ouais. C'est lui qui vend. C'est le sculpteur qui vend les crocodiles un bras, des crocodiles les, rouges. Les gorilles, ils font. Il fait les ours aussi. Fortune. Il est blindé. Il est blindé. Le mec qui viendra demain, il est surblindé. Ah ouais. C'est là, mais non, mais là. Faire copain avec lui. C'est beau ce qu'il fait en plus. C'est pas mal du tout. Il y aura Kenji, je dis. Fait une émission spéciale jeudi parce qu'il y aura Kenji et Robbie Williams. Ah là là là là. C'est bien, t'es contente. Hein. Ah là là. Ah, t'es contente. On se sent plus avec ça. Elles sont toutes foufouillou les filles de l'équipe. Vendredi, Jonas Blue. Et plein d'autres surprises qui vont tomber d'un moment à l'autre. Ce soir, nous allons peut-être essayer d'aller donner du bonheur à quelqu'un qui s'est inscrite pour gagner sa box Société Générale. Ouais. Sur boxallinclusive.com. Et en fait, on aura Mika qui, d'un moment à l'autre, va peut-être débarquer chez la personne et lui offrir le contenu de sa box. Je sais même pas ce qu'elle a demandé, cette personne. Mais je crois qu'évidemment, les gens, comme tu cliques et tu choisis ce que tu veux, il y a jusqu'à 16 000 euros de cadeaux à vous mettre dans la poche. Blinder, Et vous avez la box qui peut tomber n'importe quand. Inscrivez-vous sur boxsolinclusive.com. Julie, la journée c'était comment? Très bien, parfaite. Bien, pleine forme. Ouais, d'accord, ouais. Pietre. Ouais, impeccable. Ça va, bien. T'as fait quoi aujourd'hui? Je travaillais. T'as pris un peu le soleil? Non, pas le soleil, non. Ouais, j'étais bien. Il y a que toi qui as profité du soleil. Petite heure au soleil, il fait beau. C'est les derniers jours où il va faire beau. Après, on va se geler et tout. Je profite. On n'a pas vu le jour. Je m'ouvre à la vie. Je dis vive la vie. Voilà, c'est tout. Guéguette, comment vont ses fesses? Parce que pas autant mieux. Guéguette, il a explosé. Enfin, Loris, il a explosé le ballon avec ses fesses. Toi, hier, tu pouvais même pas t'asseoir. Non. Pas il mieux. A son petit coussin et tout. Ça va pas mieux? Non. T'as ton petit coussin. Mais j'en ai pour une semaine à chaque fois. Ah, t'es sérieux? T'as un petit coussin? T'es assis sur un coussin à fesses? Si, non, j'ai pas un coussin. Si, hier, t'en avais un. Mais n'importe quoi. T'avais un cœur rouge. N'importe quoi. Ah, il est là-bas, je crois, je l'ai vu traîner. Hier, t'étais assis sur un gros donut. Un donut. Hier, pour ceux qui venaient à l'émission, il s'asseyait, il faisait comme ça. Mais ça fait mal, hein. Hey, ceux qui nous écoutent, généralement, quand on a une petite douleur à cet endroit-là, on fait pas le malin, on dit rien, mais ceux qui l'ont eu, généralement, ils savent à quel point ça fait un petit peu mal. Ouais. Moi, j'ai jamais eu. Bah, je te souhaite de pas l'avoir. Des morts, il est tout. Jamais. On va dire que c'est pas super design comme non. Malade. Ouais. Il y a plus classe. Il y a plus classe. Non, puis même à expliquer à des amis, t'as quoi? Montre, non. J'ai des courbatures. Qui a déjà eu? T'as déjà eu? Stouff, t'as déjà eu ou pas? Non. Attends, Psycho, il a eu un truc hardcore. Quoi, Psycho? Ah. Dans la description, doucement. Hein. Vous avez compris. Mais là, c'était un truc perso, Guéguette. Là, bah si, on est là-dedans, on est dans le perso. Mais t'as un truc que les gens après 30 ans ont forcément. Enfin, un homme sur trois. Non, j'ai eu un truc quand j'avais 13 ans. J'ai eu une fissure au. Ah oui. Ouais, ça y est, va pas plus loin, on a compris. Ça fait très mal. Une fissure. Fissure, mon gars, à force d'aller aux toilettes. Oui, on a compris. Arrête, c'est bon, on a compris. Tu chiais des parpaings. On a compris. On se doute bien que c'était pas à force de réfléchir. On a compris, t'inquiète pas. Ça s'appelle pas une fistule? C'est pas ça le nom? Je sais pas. Non, c'est un autre truc ça. J'ai un pote qui a ça, c'est horrible. Fissure, c'est à cet endroit-là, c'est fissuré comme un verre qu'on jette à la poubelle, quoi. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Ah, ça doit faire très mal. Mal oui. Je confirme. À Bobo? Ouais, ils te mettent des. Ils te font des. C'est bon. On voit vaguement ce qu'ils vont faire. Le principal, c'est est-ce que ça va mieux? Super mieux. Non, mais c'est le principal. Putain, le mec, il peut pas s'empêcher de rentrer dans les détails. Comment j'ai transféré le dos? Ouais, mais t'as vu un peu. Dans le public, personne n'a eu ça? Tout le monde est assis. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Non, sinon, pas partageur. Il peut faire face à ton voisin. Personne ne va le dire. Personne ne va se lever en disant si, moi j'ai eu des hémorroïdes. Et moi, quand j'étais gamin, que je voyais la pub pour Préparation H. Ah oui. Avec le siège qui faisait. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. J'ai compris bien longtemps après pourquoi le siège il bougeait sur lui-même. Et que ça faisait aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce que c'était Préparation H. C'est vrai, ouais. Et en fait, c'était pour les fesses. Ouais. Ça existe encore, Guéguette? Je sais pas. C'est toi le spécialiste maintenant. Non, bah, c'est toi notre consultant. Le problème à cet endroit-là. Je sais pas. Je me renseignerai. Restez avec nous. Nicky Jam est sur Énergie. Dans un instant, on aura vous tous au téléphone et on aura peut-être des nouvelles tout à l'heure. Donc je vous dis, on distribuera du bonheur quelque part en France. Chez quelqu'un qui s'est inscrit sur boxallinclusive.com. Ouais. Mika va taper à la porte. Il amène le cadeau et ça nous fait plaisir. C'est bon, ça, non? Ouais. Super. Allez, Nicky Jam sur Énergie. Bonjour, bienvenue. C'est mardi. Cette émission jusqu'à 22h, elle va être énorme. Il y aura MHD, il y aura des surprises. Je peux pas vous en dire plus. Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Ser. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Non, Koué. Allez, va te faire foutre. Koué, 19h-22h sur Énergie. Ce soir, il y aura MHD qui sera notre invité. J'adore ce morceau-là. J'aime bien, j'adore celui-là aussi. Oui, Julie. Mon ami, Galenta. Mais t'as du mal. Non, j'y arriverai pas, je crois. Mon ami, Galenta. Elle me fait pas ça devant lui. Oh non, tu penses bien, évidemment. Bon, restez avec nous, sinon, vous avez vu ou pas l'info qui revient chaque année à la même époque. Cette année, l'hiver sera très froid. Je vous rappelle que l'année dernière, ils nous ont saoulés en disant que ça, a été l'année, ça allait être l'hiver le plus froid du monde. On n'a pas eu de neige. Non, c'est vrai. Ça a été une cata. Et bien maintenant, John Bastardi, Bastardi, ça veut dire bâtard quand même, du service météorologique de AccuWeather, partage l'avis de ses collègues et dit que selon un diagnostic peu réjouissant, cet hiver, il va faire très froid. Ces prévisions reposent. Vous allez me dire comment il dit ça. On n'arrive déjà pas à prévoir. L'année dernière, c'était les ours polaires qui s'étaient planqués plus tôt ou un truc comme ça. Ouais, bah, ils l'ont bien eu dans le. Les ours polaires. Bon, c'est un peu violent c'est les sons le bon de son, Miami. Ouais. Ces prévisions reposent sur le fait que le prochain hiver sera marqué par l'arrivée de masses d'air arctique qui se déplaceront au-dessus de l'Europe. La diminution de l'activité solaire pendant cette période accentuera la chute des températures qui seront encore plus basses. Donc cet hiver, entre l'air du Nord. Et le peu de soleil, bam, gros hiver. Ah, mais c'est pas une bonne nouvelle ça. Non. Voilà. Bon, au moins il fait pas. Là quand tu feras pipi, ça fera. C'est horrible là quand même. Je pense que moi, je me suis fait chier ces 4 derniers mois à perdre 15 kilos. Il va faire tellement froid qu'elle va à nouveau redisparaître. C'est vrai que le froid. Je la revoyais. C'est con. Je la revoyais. Je vais plus la voir. Surtout quand tu vas mettre des doudous, des pulls et tout ça. C'est horrible. On fait un bisou à Christian maintenant tous les soirs. On va démarrer l'émission en disant, en demandant comment s'est passée ta journée. Mais dès demain, on démarrera début d'émission. Direct avec, d'accord. On se dira bonjour, comment ça va, et on prendra un auditeur au hasard et bim, je vous demanderai comment s'est passée votre journée. Comme ça, si vous avez une journée qui se passe mal, une journée qui se passe bien, une journée qui se passe extraordinairement bien, une journée de merde, on commencera l'émission avec vous. Okay. Vous vous inscrivez à koé@energie.com le jour même. Oui. Si on parlait de la journée de la veille, ça n'a pas d'intérêt. Ça va, Christian ? Ouais, ça va, tranquille. T'es en forme ? Christian nous a envoyé un mail, il me dit « Je suis un petit Belge arrivé en France pour un périple d'un an et 3000 km en stop et à pied à travers toute la France. Wow. » Entre les ampoules aux pieds, les galères de bivouac, j'en ai bavé, mais surtout j'ai rencontré des gens géniaux. Où je passe actuellement, je me suis posé pour l'hiver dans les Alpes. Ah oui, t'as choisi l'endroit le plus chaud. Massif des Écrins, où j'aide bénévolement une dame de 78 balais, super sympa, à entretenir et réparer sa maison d'hôte pour la saison 2016-2017. C'est pas mal. C'est mortel, hein. Cher Coé, dans les moments difficiles, je t'écoute dès que possible, vous me faites tout ce qui fait ma race quand ça va mal. Merci pour ça déjà. Mais c'est génial, mais comment t'en es venu à faire ça, toi? Comme ça, il y a eu plein de problèmes en Belgique, effet boule de neige, j'ai décidé de quitter ma Belgique, mon petit pays. Ah bah, y en a en France. Et puis je me suis barré. Voilà, donc j'ai décidé de partir avec mon chien. Mon chien, c'est une vraie star, alors du coup, ça marche partout. J'ai la photo, il est beau, ce chien. Ouais. T'as une bonne gueule aussi, mais ton chien est mignon, je trouve. C'est le chien qui sourit tout le temps sur les photos. Et tu vois, elle est plus mignon que moi. En fait, avec les meufs, du coup, il n'existe plus, tu vois. Ça marche. Les chiens mignons avec les nanas, elles adorent ça parce qu'elles font Oh, il est trop mignon. Et toi, tu fais Ça permet d'enclencher une discussion derrière. C'est vrai. Mais alors, donc, tu t'es fait 3000 bornes en stop? Là, j'en ai fait un peu plus de 1000 déjà, mais je me suis posé parce que entre les ampoules aux pieds et tout, je commence à me cailler, quoi. C'est pas. Donc, je me suis posé chez la vieille dame là qui elle a presque 80 ans. Donc, je refais un petit peu sa baraque en échange. J'ai le toit, j'ai le couvert. Donc, ça sûr, Pietre a une question. Mais tu les fais en stop ou à pied? Une grosse partie à pied, stop quand même aussi, parce que je vais pas mentir, c'est dur quand même. Donc, mais il y a une bonne partie à pied, à part que là, il me faudrait plus une chaise roulante que des Nike, tu vois. Et donc, parce que tu as eu des problèmes en Belgique avec les. C'est ça, c'est les attentats qui t'ont fait flipper. Non, c'est pas les attentats. Ah bon, je croyais, moi. C'est mon ex qui m'a quitté et tout. Ah, donc, c'est des problèmes perso. Toi, ton ex, elle te quitte, tu marches. Ah putain, la vache. Ah, moi, je peux te dire que ça m'est arrivé, j'ai pas marché. T'as pas marché. Autant, hein. T'as pas fait mille bornes. Tu t'es barré parce qu'elle t'a laissé tomber. En gros, c'est plus ou moins ça l'histoire. En fait, t'as couru derrière la voiture au début, puis tu t'es jamais arrêté, quoi. C'est ça le truc. Puis elle a pris le tournant au carrefour, moi j'ai continué tout. Mais il se fait un Pékin Express. En fait, il y en a plein qui font ça dans le monde entier. Le problème, c'est qu'avec le chien, il peut pas sortir. Il peut pas même changer de pays à la base. Il y en a plein qui se font un truc. Alors moi, je connaissais deux noms, mais je savais pas que c'était si fréquenté que ça. C'est le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Oui. Vous êtes au courant de ça? Oui. C'est un truc pèlerinage. Mais à la base, c'est un long à faire. Voilà, à la base, c'est un pèlerinage. Mais il y a plein de gens qui le font, qui sont pas si croyants que ça, qui le font parce que tu marches. Et t'as plein de petits relais entre les trucs. C'est deux mois de marche, Saint-Jacques. Ah, mais si tu passes, ça dépend d'où tu pars. Il y en a qui partent d'Espagne, tu peux partir de. Si tu fais le vrai truc. Ah, t'en chies, tu peux pas le faire. Et en fait, tu t'arrêtes à un petit hôtel, tu payes genre 10 euros. Et il y a un business avec ça. Putain, mais c'est surtout que. Et moi, j'ai des copains qui l'ont fait, genre qui avaient besoin de réfléchir. Bon, tu vas, on s'en fout de ta famille qui le fait, Julie. On s'en fout de tes copains qui le font aussi, c'est pareil. Mais non, on s'en fout pas de mes copains, que ta famille, on s'en branle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais peut-être que mes copains, ils ont marché avec ta famille. Peut-être qu'ils se connaissent. Ils étaient peut-être main dans la main. Non, mais c'est surtout un truc pour les gens qui, généralement, il leur est arrivé une galère. C'est ça que je voulais dire. Ils se sont fait larguer, ils ont plus de boulot, machin. Et plutôt que de. Juste pour le plaisir. Ouais, le plaisir, c'est rare. Et ils marchent, parce qu'en marchant, tu te libères la tête et tu. Non, mais c'est que des dépressifs qui marchent du coup. Alors, un peu. Vous êtes content? J'ai un pote qui l'a fait, il m'a dit ouais, si, un peu quand même. Bon, c'est des gens qui ont souvent un petit problème à régler. Qui ont souvent un petit truc, c'est pour se reposer. Oui, ça fait du bien, oui. Voilà. Mais lui, il a marché, il est allé dans les Alpes. Elle est sympa, mamie, chez qui tu es? Là, il me faudrait une chaise roulante, en fait. On a bien compris. Mais mamie, elle a besoin d'une chaise roulante ou elle est en pleine forme, elle? Non, elle est en pleine forme, elle marche mieux que moi, là, ces jours-ci. Bon, est-ce qu'il y a un Facebook pour les gens qui veulent aller te voir? Qui veulent suivre ton péril? Ouais, il y a Facebook, il y a une page qui s'appelle Aki Travel. Aki Travel, pour les gens qui veulent te voir et faire un bisou au chien. Il est trop mignon. Comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Toby. Toby. Toby. Et le but, c'est que t'arrives où? Toby, s'il te plaît. Le but, c'est que t'arrives où? Tu vas aller jusqu'où? T'as vu que les gens ne comprennent pas quand tu parles? Ouais, il n'y a pas de but spécialement. En fait, t'as pas de but? C'est de revenir en Belgique l'année prochaine. Bien sûr, et puis, on préparera la route de glace. J'irai peut-être en Norvège. Mais tu vis comment du coup? Parce que tu travailles pas? Ben non, en fait, j'ai 2-3 rentrées qui viennent encore pendant 2 mois de Belgique. Et puis je me démerderai. Je vais faire du saisonnier pour l'hiver dans les Alpes. C'est pour ça que je me suis posé ici. Et puis au printemps, je suis reparti. Eh ben, tu fais une gratouille au chien et on te fait un bisou, mon pote. Je t'embrasse fort. C'est beau, ouais, je m'en fous pas, comme je vous ai dit. Voilà quoi, bisou au frigo, coup de pied dans le chat. Hein? J'ai dit, j'ai compris bisous au prio, coup de pied dans le chien. Moi j'ai compris bisous au frigo, coup de pied dans le chat. Est-ce que tu peux nous redire ce que tu. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? J'ai dit bisous au frigo et coup de pied dans le chat. Ah, il est bien, c'est ça. Bisous dans le chat. J'ai une autre question, pourquoi? Comme ça, ou le contraire, en fait, c'est dans le sens qu'on veut. Bien, ou un coup de pied dans le frigo, mais voilà. Faudrait que tu reprennes. Marche encore. Ou marche pas trop. Bisous au frigo, ou coup de pied dans le chat. Ou l'inverse, bien sûr. Évidemment. Bienvenue, voici Chainsmokers. Salut, mon pote. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Civil War en DVD, la PS4 et le film Captain America Civil War. Vous avez la PS4 et le film qui va bien. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment on va passer notre code avec la poste. Oh putain. Faut qu'on en parle d'ailleurs. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Moi, je suis à 4 et 2 là, les gars. Ouais, vas-y, arrête de faire ta maligne. T'as vraiment que ça à foutre, toi. Moi, j'ai du travail, madame. Ok, là, tout de suite. Un pour

te veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros cool dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. Y'a ce gros cool dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. Dis mon bisou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Si je peux lui rouler une pêche, je suis la plus heureuse. Elles vont se battre les deux. Dans un instant, il y aura le « ils sont cool » ou pas, pour savoir si des noms qui ont un nom assez cool sont vraiment tranquilles ou pas. Tout à l'heure, on aura un nom de chambre d'hôte dans lequel il y a le mot « accueil sympa ». Ils sont obligés d'être sympas. Ça s'appelle « machin accueil sympa ». Ils sont obligés. Quand tu t'appelles « accueil sympa », tu es obligé d'avoir un accueil sympa. T'imagines « allô ?» Et pas que ça foutre avec des connards. Ouais, dépêchez-vous, monsieur. Non, accueil sympa, c'est bien. On aura du super jeu. On aura le check ton bahut. Vous connaissez le principe. C'est pour voir si votre bahut est à la hauteur et mérite le label qualité Coé. Inscrivez-vous coé@energie.com pour le check ton bahut. Donnez-nous le nom de votre lycée. Mais pour l'instant, tribunal populaire. Ça fait bien longtemps. Alors, qui va être convoqué pour le tribunal populaire? Est-ce moi, que j'ai rien fait. Moi, je suis Béguette, ça n'est pas toi. Est-ce que c'est Pietre? Non, je suis très gentil. C'est pas toi. Loris? Non, tu es champion du monde, oui. Tu as battu avec tes fesses, ça n'est pas toi. Julie? Oh non, pas moi. J'ai rien fait. Stouff? Peux-tu venir y quitter ton standard pour venir nous voir? Qu'est-ce que j'ai fait? Viens ici. Tu devrais le savoir. Viens ici, Stouff. Voilà. Est-ce que tu sais de quoi tu es accusé? Je voudrais que tu essaies de réfléchir sur toi-même, que tu essaies de penser à ta vie, penser à ces dernières émissions. De quoi tu pourrais être accusé? Ah putain, vous cassez les couilles. Rien que pour ça, déjà. Voilà. Déjà, là, faut biper. Hein. De l'effrontement ou de l'effrontation, je sais pas comment on dit. Tu as répondu, c'est ça? Absolument. Je te parle mal? Absolument. Voilà. Je te parle mal. Stouff est accusé. Mais c'est Stouff, elle est comme ça. De mal parler au patron. Et le patron, c'est Billy. Mais ouais, mais t'aimes bien. À chaque fois qu'il tombe. À chaque fois qu'il y a une boulette à l'antenne sur un auditeur, au lieu de s'excuser, plutôt que de dire pardon, Coco, elle répond. Hey, oh. Stouff. Attends. Pas me faire chier quand même, non, il attend. Non, mais il marchait il y a 5 minutes, donc du coup. C'est quoi? Engueule-moi, vas-y. C'est, hey, t'as en même tes gonflé. T'as vu comment tu passes? C'est gonflé. Attends. Non mais sérieux. Je te parle tout le temps comme ça. Oh là là. Ah, mais il faut pas. Appelez-moi quelqu'un. On va appeler une Vanessa, tiens, qui va faire notre tribunal populaire. Voilà. Donc pour la peine, pour ce chef d'accusation, comme tu es très méchante, tu risques de une. C'est horrible ça. Quoi? Ah oui, elle est méchante. Elle est méchante. Dans méchante, il y a méchante. Ouais. Il y a chante. Non. Il y a mèche. Allô, vous êtes Vanessa à Lille? Oui. Bonjour Vanessa, je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous Vanessa? Ça va bien. Regardez, le public va vous applaudir. Applaudissez-moi Vanessa, vous voyez, regardez. Vanessa, Vanessa, Vanessa, Vanessa, Vanessa. Top, c'est fini. Vanessa, c'est vous qui allez être notre juge ce soir au tribunal populaire. D'accord. Je vous présente Stouff, qui est accusé de mal parler au patron. Bonsoir, le patron, c'est moi, et elle me parle mal. Mais elle me parle mal, Vanessa, vous pouvez pas imaginer. Faut arrête de déconner, non. Je te parle pas bien. Bah déjà, rien que là. Vanessa, vous faites quoi dans la vie? Vous savez qu'il faut mal parler au patron. Je suis secrétaire. Ah, est-ce que des fois, quand votre patron vous demande, s'il te plaît, Vanessa, pourrais-je avoir un café? Vous lui dites, dis donc, ton café, t'as qu'à te le faire cœur au cœur avec un bâton de sucre. Oui. Non. Voilà, personne fait ça. Bah, moi, les gens oui. Respecte la hiérarchie. Bah, je te respecte, hein, ça n'empêche pas. Hein. Alors, donne ton explication à Vanessa. Bah. Merci. Voilà. Non, mais il faut savoir qu'elle parle à tout le monde comme ça, c'est affectif pour elle. Bien sûr. Voilà. Vanessa, c'est vous qui allez trancher, puisque elle est méchante mais avec le patron. Je suis pas méchante. Dans méchante, il y a mèche. Elle mangera de 1 à 5 mèches de cheveux. Ça va pas. Ça va pas. Là. Non, mais attends, d'où soyez, vous êtes déjà rassuré d'un truc, c'est pas les miens. Donc, voilà, alors les cheveux viennent d'arriver. T'as des cheveux de partout. Ça va pas à la tête ou quoi? Il y a même les cheveux du père Fouras. Alors, c'est Vanessa qui va choisir. C'est surtout qu'elle va vomir. De 1 à 5 mèches. Non, mais ça reste coincé. Les cheveux dans la gorge. Ah, mais là, ouais, ça, il fallait pas être méchant. Là, ça sent le dindon. Ouais. Hein, ça va faire une boule comme les chouettes. Là. C'est pas les chouettes qui font ça? Ouais. Tu vas ressortir une boule. Tu pourrais dire que t'as un cheveu sur la langue. Oui, les chats. C'est les chats qui font la boule. Ils sortent un truc. Bon, Vanessa, c'est vous qui choisissez. Julie a fait une vanne. Ouais, voilà. C'est drôle. Deux, parce que c'est dégueulasse. Deux déjà, c'est bien. Ouais. Deux, et parce que tu es une jeune fille, tu es une femme, et qu'il faut savoir bien se comporter avec les femmes, je n'en mettrai qu'une. Ah, t'es trop gentil. Mais la grande Dédicace blanche. En 3 lettres. Blah. Alors, voilà. Vanessa, je vous fais un bisou, je vous embrasse. Je te propose ça. Je vous embrasse. Les propres, donne-lui les propres. La châtain, la châtain. Je suis un coiffeur à côté. Mais c'est dégueulasse. Ça, c'est, ouais, c'est ça, pas mal, la châtain. La châtain, la châtain. Quoi qu'il vous plaît, manger ça. La chatouille, la châtain, la châtain. La voisine. Attends, pousse, faut pas que j'avale. Pousse. Tu t'écris où? T'as vu l'heure? Tu sais ce qu'ils nous ont dit dans le bureau de direction hier? Faut pas que je l'ingurgite. Parce que même maintenant, le mot aval, on n'a plus le droit de le dire. Même les mots normaux, on peut plus. Non, mais genre, tu veux que non, je lâche? Non, je prends une glace, je la lèche, le mot lécher est devenu interdit. Lécher, ça, c'est ça. Non, je suis désolé, maintenant, on va mettre que des... Oh voilà. Tant que sur la glace, il n'y a pas de boule, ça va. Voilà. Malheureux, une boule sur la glace, ou trois, mais jamais deux. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop long. Trop long, interdit aussi. Interdit, il y a des mots qui sont interdits. Je l'avale pas, on est d'accord. Interdit aussi, ça. On a dit on avale. Allez, vas-y, mets déjà. Ah, elle peut pas avaler. Tu la mâches déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, lâche-les dans la bouche. Non, pas qu'est-ce que tu fais? Mets-tu sur ta langue. Mets dans la bouche déjà. J'ai entendu sur la langue, quelqu'un dit sur la langue. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça chatouille le palais? Ah, t'étouffes pas. Eh, de l'eau, les gars. Non, je jure que non. Le dindon. Le dindon. Non, arrête. Ouais. La poubelle est derrière. Je peux pas avaler. Non, les cheveux ne se mangent pas. Ah, tu avales pas. Parce que ça fera des petits popos. Ça fera des petits popos sympas. Est-ce que tu as déjà fait des popos polus? Des petits popos chevelus. Ah ouais. C'est mignon. Je peux cracher. On fait des cousins machins. Interdit aussi à dire cracher. On n'a plus le droit de dire ces mots là. Ça va, cracher. C'est bien. La prochaine fois, tu feras attention à comment tu parles au patron. Stop, coupe ça. Coupe. Attends, on a plein les dents, toi. Viens ici, excuse-moi. Hey, tu vas arrêter ça? Tu vas arrêter de faire applaudir le public? On n'entend que toi qui fais ouais. T'arrêtes ou pas ce jeu là? Excuse-moi. J'ai l'impression d'être dans une émission de télé. C'est le chauffeur starter, de salle en fait. Qui fait ouais. C'est un peu ça. On n'entend que toi, mec. Je suis désolé parce que je devais. Non mais c'est pas le problème. Fais-les applaudir. Tu les fais machin. Tu les boostes s'ils sont mous. Tu dis c'est les gars. C'est pour les lancer. Mais c'est pas pour les lancer. Tu les lances pas. Tu fais Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, on n'entend que toi. En fait, c'est parce que j'ai mal à la gorge. Mais oui, arrête de me trouver des excuses pourries. Vas-y. Prochain tribunal, il est pour toi. Oh là là là là. Vous avez pas remarqué, il y a que moi que ça gêne. Si, j'ai entendu. Oh là là, le plus gros mouetteur de toute la bande FM. Il mouette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je mouette. Oh, c'est pas un métier. Tes parents, ils ont voulu que tu fasses de la radio, pas que tu mouettes. Alors ne mouette plus. Qu'est-ce qu'on écoute? Zaoué Mathieu. Ah, c'est Zaoué Mathieu. On a perdu Stouff, les gars. Là. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Arrête, tu n'as pas avalé, tu as craché. J'ai plein de cheveux partout. Ah oui, ça gratouille. Ça va gratouiller. Ça c'est possible, c'est possible ça. Voici Zao qui était notre invité. MHD, c'est tout à l'heure. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. L'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse les Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Et demain on aura zappé. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Et pas. Laissez les coumas. Laissez-les parler. Laissez les coumas. Laissez les coumas. Laissez les parler. Laissez les coumas. Laissez les coumas. Laissez les parler. Laissez les coumas. Avec nous, si vous avez kiffé MHD, il sera notre invité tout à l'heure. Faites tourner le hashtag hein, MHD chez Koé sur Énergie, il en fera deux en live. On dit que la 7ème année, c'est une année critique dans un couple. Ouais. Pour Koé et son équipe, ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h sur Énergie. On est tous là. MHD sera notre invité tout à l'heure. N'oubliez pas Robbie Williams, c'est jeudi avec Kenji. Camille. Oui. Hola Camille. Oui. Como esta? Muy bien. Si, si, habla, si, si habla español. Sí, muy bien. Ah, sí, muy bien. Es el momento de evaluar el baú. El baú. El baú. El baú. El baú. El culos o el baú, el pas culos. El baú. El baú. El baú. El baú. El baú. El baú. El baú. Sí. El colegio. El what? No. Collège, on dit pas collegio, non? Non, on dit le collegio, l'instituto. Ah. L'instituto. L'instituto. Alors, tu es au collegio ou l'instituto? Instituto. Instituto. Comment s'appelle l'instituto? Jean-Bas. Salut, bienvenue. Salut, c'est Jean-Bas. J'emmène faire un tour sur mon vélib. Bien sûr, je suis avec Kev et Matt. On va aller se boire un spritz. Tu veux dire. Les mecs, ils sont tous à la cantine, ils ont tous des mèches. Et ils boivent des spritz. Je trouve ça super parce que tu vois, c'est super bien le lycée Jean-Bas. Ça va, salut Jean. Ça va. Bon, lycée Jean-Bas, c'est ça, sérieux? Jean-Bart. Ah, Jean-Bar. Ouais. Jean-Bar. Juan Barto. Ouais, Jean-Bar. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Bar, dans sa vie? Il était corsaire à Dunkerque. Ah ouais, c'est pointu. Ah, ouais. Ah bah oui. Il était tout seul, non? Il était corsaire. C'est bien connu. Bah, ils ont tourné Pirates des Caraïbes 8 à Dunkerque. C'est là qu'ils l'ont tourné, les mecs. Si, si, bah tous tournent à Dunkerque. Hein. Évidemment. Bien sûr, le lycée Jean-Bart à Dunkerque. Tu m'as mis la photo, il a une bonne tête de lycée. D'ailleurs, pas de surprise, les grilles blanches, la forme dégueulasse, le lycée. C'est moche, ça c'est moche. On a tous été. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui ont été dans des beaux lycées dans le public. Vraiment, moi, le lycée. Oui. Où moi, tu oui, kiffes. Il était beau pour le coup. Il venait de le construire. J'ai inauguré aussi. Ouais. Moi, le mien, lycée Paul-Claudel Allant, il était tout sauf moi, beau. Il était chum aussi. Moi, il était avant-gardiste et tout. Franchement, c'était mortel. Ah non, pareil. Il n'était pas avant-gardiste, il n'était pas ultra-lé, mais c'était un lycée, quoi. Bon, vous êtes combien? Vous êtes 384e sur 2002. Pas mal. Pas mal. Pas mal, 24e ah ouais. sur 99, pas mal Dunkerque, j'ai envie de dire pas mal. On va appeler ton lycée pour lui mettre le label qualité Koé. Mais d'abord, est-ce qu'il est bien ce lycée? Ça dépend. Ah, quel est le truc bien et le truc pas bien? Le truc bien, c'est la cantoche. Les trucs pas bien, c'est les surveillants qui sont chiants et les CPE et certains profs aussi. Bah, un CPE, c'est toujours chiant. Bah, ouais. C'est son job. Hein. Un CPE ouais. Trop cool, c'est le bordel. Ouais. Même les surveillants, normalement, ils sont cool. Ah, non, là franchement c'est horreur. Tu peux avoir des gros cons, hein. Ouais. Il suffit que t'aies des mecs 7-7. Tu peux avoir des. C'est bien, ça dépend de ce qu'on leur dit, hein. Si on leur dit d'être dur, ils sont durs, hein. Faut pas ce qu'ils veulent non plus. On appelle le lycée. C'est parti. J'ai combien de temps devant moi? 3 minutes. 3 minutes. Je vais te faire un check rapide, moi. Bienvenue ça va être vite. Au lycée Jean-Bal. Salut, c'est Jean-Bal, le secrétaire du lycée Jean-Bal. C'est Jean-Bal, bonsoir. Oui, bonjour madame, c'est le lycée Jean-Bal. Oui, monsieur. Bonjour madame, c'est Coé à l'appareil. Oui, nous sommes sur énergie, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en pleine forme? C'est bizarre parce qu'elle a dit oui, Coé. Ouais, ouais, grave, donc je crois qu'elle me préfère moi à énergie, t'as vu? Vous êtes sur énergie, elle a raccroché. Ouais, ouais, on y retourne, bien, on y retourne. Mais genre, à ma raccroché. Bienvenue au lycée Jean Barre, nous allons donner suite à votre appel. Genre, à ma raccroché. C'est parce que j'ai pas assez parlé comme ça. Allô? Vous m'avez raccroché au nez, madame. Écoutez, monsieur, si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle. Enfin, c'est sinon, pas une enfin, je m'appelle Coé, c'est mon nom. Pourquoi ce serait une plaisanterie? Bon, vous voulez quoi, monsieur? Oh, madame, qu'est-ce qui se passe? Je vous dérange? Non, dites-moi ce que vous voulez, monsieur, je vous écoute, allez-y. Ah, vous avez peur que ce soit une blague. C'est pas une blague, hein? Regardez, le public va vous applaudir. Regardez, le public applaudit, c'est cette... Vous voyez que c'est pas une blague? Oui. Ils vous ont applaudi, ils sont là, ils font Jean-Bas. Voilà, ça va mieux? Oui, ça va mieux, maintenant. Bon, alors je vous appelle pour avoir le... Alors, immense honneur, hein. Je vous appelle pour avoir le label qualité Coé dans votre lycée. C'est-à-dire? Bah, le label qualité Coé, c'est-à-dire que... Il faut répondre à 4 questions, voilà. Et si vous répondez bien aux 4 questions, vous avez le label. Sur la vie du lycée, à commencer par, y a-t-il une page Facebook au lycée Jean-Bas? Oui. Très bien, vous voyez, c'est deux points de plus, ça, déjà, oui, donc on démarre bien. Est-ce qu'on peut fumer dans l'enceinte de l'établissement? Vous rigolez? Non, c'était une question, madame, hein. Mais la réponse, visiblement, est non. J'ai cru que t'allais être connue. Non, j'ai cru, madame, c'est pas pour moi, je fume pas, hein. C'est pas moi qui fume, c'est Pietre. Je mets non, et c'est très bien, madame. Est-ce qu'on diffuse de la musique dans les couloirs? Non plus. Aïe, aïe. D'accord. Est-ce qu'il y a du ketchup à la cantine? Oui. Question subsidiaire, est-ce que le pain est à volonté à la cantine? Oui. D'accord. Et enfin, dernière question très importante, est-ce que dans le gymnase il y a des douches individuelles où tout le monde est dans la même pièce? Individuelle, vous êtes dans un établissement public. Ah, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah si, c'est bien, Pierre. Attends, moi j'aimais pas les trucs où tout le monde est dans est-ce la même pièce. Est-ce qu'il y a des trous entre les portes pour qu'on aille battre les filles? Non, je mets le label qualité. Dernière question, madame. Vas-y. Y a-t-il des petits numéros sous les verres à la cantine pour savoir celui qui est le plus jeune, il va chercher de l'eau? Oui. C'est cela, oui. Ah, vous l'avez. 5 sur 7, hein. Vous l'avez, c'est très bien, je valide. Au revoir, le lycée Jean-Bas. Au revoir, monsieur Coé. À bientôt, embrassez Kev et Matt de ma part au lycée Jean-Bas. Salut Camille, je t'appelle Cam. Salut. Okay, salut Cam, à bientôt. Salut. À Dunk. Je t'embrasse. J'espère que ça va. Voici 21. On finit pas les mots. C'est Co sur NR. J'espère que ça va. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well.

pour 40 de cadeaux. Qu'est-ce qu'elle a choisi? 40, le 40 est important. 8 200 euros 40. Qu'est-ce qu'elle 40, a demandé? Qu'est-ce voilà. qu'elle a demandé exactement? Il y a des beaux cadeaux. Elle a choisi un budget électroménager. Oh. Un pass illimité pour le cinéma, voilà, pour deux. Pas mal. Un an de carburant. C'est pas mal. Un MacBook. Ouais. Et une nouvelle garde-robe d'une valeur de 3 000 euros. Oh merde, oh bien. C'est beau ça. 3 000 euros Pretty Woman, la meuf va pouvoir faire. 3000 euros de fringues, exactement. Qui se souvient du film Pretty ouais, Woman? Ouais, j'avoue. Ah, c'est culte. C'est un culte, film culte, ça. Culte, Pretty Woman, non? Non, ça n'a pas l'air de. Mais si, c'est Julia Roberts. Vieux, il ramasse la prostituée, puis il l'habille dans un truc, ça fait. Pretty Woman, walking down the street. Enfin, c'est surtout un film de fille, tu m'inquiètes oui, un peu. Là. Oui, mais j'adorais. Ouais. Tu l'aimes beaucoup trop, là. Mais il avait l'air trop passionné, là. Mec, il avait une Lotus Esprit, il ne savait pas la conduire, il s'arrête et c'est elle qui l'a conduit et tout. Et justement, quoi? Et justement, j'ai une petite surprise pour elle aujourd'hui. J'ai sorti le grand jeu en fait. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que je vais la chercher en limousine, la demoiselle. T'es sérieux, mec? Oh, le gars, il se fait kiffer ouais. lui-même en fait. On a sorti un budget limousine, je n'étais même pas au courant. Voilà. Merde. Et je vais c'est... l'emmener faire du shopping dans Toulouse. Non, énorme. Oh, génial! Qui c'est qui paye? Bah, la Société Générale. Oh, ça va alors. Oh, c'est voilà. Bien, parce que j'avais pas eu l'impression d'avoir validé le budget limousine. Donc, mais là, c'est dans sa box, justement, elle a choisi. Elle est comment la limousine? Elle est très grande, blanche, très classe, voilà quoi. Ah, c'est pas vrai. Il y a au moins, ouais. Est-ce qu'il y a de quoi boire à l'arrière? Fais-moi. Non, il n'y a pas à boire, Julie. Oh, Mika, j'adore tes précisions. Allez, au moins, ouais. C'est une très jolie précision, ça. C'est très professionnel. Mais non, mais je sais pas combien de mètres ça mesure, je sais pas combien on peut mettre de gens dedans. C'est tellement immense que c'est plus grand que chez moi. Gars, une fois que t'as fini de lui faire son shopping, va faire le tug avec la limousine dans Toulouse. Tu vas ramasser, mec, tu vas te mettre trop bien. Bah oui. Carrément. Est-ce qu'on sait quel âge elle a déjà, cette demoiselle? Quel âge elle a? Oui, c'est la question que j'ai posée. Je ne sais pas, on va lui demander. Si elle sort du lycée en même temps. Mais elle peut être prof. Ouais. Ah non. Elle est étudiante dans le paramédical apparemment. Ah, voilà. Donc elle a alors quoi, au moins 22 ans. Ouais, 22, tu peux aller faire les magasins, les boutiques de lingerie avec elle. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Et là, on est à 100 mètres de son école. En fait. Vas-y. Mais comment tu sais qu'elle va? C'est parti. Vas-y. Oh, là, j'aime bien ce moment. Je mets la musique, je m'occupe de la musique. Tu vas où là? Mais comment il va faire pour aller la chercher? Je vais la récupérer. La limousine qui est plus grande que ça. Dans l'école. Ah, mais je sais pas. On va se débrouiller. Ah, c'est-à-dire que oui, si effectivement ils sont nombreux devant, ça va être compliqué. Mélanie, t'es où? Ah bon, on va voir. Vas-y. Vous êtes où? Vous êtes en route là, on arrive. Non, on est à 150 mètres. Ah bah donc la limousine est déjà arrivée alors du coup. Avant est déjà arrivée. Moi j'arrive bientôt, voilà. La limousine est là-bas, moi j'arrive bientôt. Le mec il a. Alors on arrive devant l'école. Ça te fait pas chier d'être dans une bagnole plus grande que chez toi? Si, hein. C'est un peu. Okay, elle comprend pas pourquoi une limousine s'arrête devant en fait. Ah parce que tu vois sa tête, tu la vois déjà Ah bah ouais, je la vois pas à travers les fenêtres. Évidemment, il y a des fenêtres. Allez vite, pardon. Voilà. Ah oui. Alors attends, on ouvre la porte. C'est des Vélux. C'est des vérandas. Avec Julien Corbet qui fait la pub. Salut, il ouvre la véranda. Vas-y. Tout le monde me regarde devant l'école. Ça y est, je sors. Vas-y, fais le malin. Il y a beaucoup de monde. Bonjour. Il est ridicule ce bonjour. Bonjour. Oui, bah excuse-moi, mais bon. T'embrasses. Dis-lui, vas-y, elle sait pourquoi. Elle a compris. Attends, tout le monde applaudit, c'est classe. Tu vas faire une demande de mariage. L'inclusive. Bah non, mais quand même, mais elle est très jolie. Ah, t'as vu le mec tout de suite, Gabi? Voilà. Passe la main, attends, passe la main. Attends, je vais te passer Koé tout de suite. Voilà, je vais lui dire de se méfier de toi quand même. Allô? Allô, bonjour mademoiselle, comment ça va? Ah, je t'entends pas du tout. Je coupe la musique parce que je ne t'entends plus. Allô? Oh, la musique et tout. Allô, oui. Ça va ma chérie? C'est Koé, t'es en forme? Ça va bien. Ça va bien, tu es la grande gagnante. Tu vas avoir tous les cadeaux que tu as demandé dans ta box All Inclusive. Tu vas avoir aussi les 3000 euros de shopping que tu voulais. Et Mika va t'emmener en balade dans Toulouse. Et moi qui connais certaines ruelles de Toulouse, bon courage avec la limousine. Génial. On va s'amuser, ouais. Pour faire des demi-tours et vous allez partir en shopping maintenant. Et on verra la vidéo dans genre une journée ou deux, d'accord? D'accord, très bien. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui. Méfie-toi de ce jeune homme. S'il éteint la lumière dans la limousine, méfie-toi de lui. Il est célibataire depuis longtemps, il va exploser à tout moment. D'accord? Je suis en train de man, Coco. Bisous, mes deux. Bisous. Vous aussi, tout ce que vous choisissez, on vous le donnera. Mika viendra chez vous à la maison et vous l'amènera. Ça me fait plaisir de donner du bonheur. Ce soir, je vous l'ai dit, ça va être soirée bonheur. C'est vrai, c'est que du bonheur. Ce soir, ça va être va chercher les bonheurs. Voici Shakira sur Énergie. Heridas del pasado. No voy a perder. que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Y es la favorita la que canta la zona. Se mueve su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies descalzos como un niño que óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Después no querrás ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día demuestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Coué, 19h-22h sur Énergie. Ah, accident de casque à la radio. Ah non, t'as pas fait ça. T'as pris un retour de casque. Accident de casque. Ah, ça, c'est un classique chez nous. C'est-à-dire que quand tu prends ton casque à la radio, tu le prends, tu l'écartes pour le mettre sur tes oreilles et tu te le prends dans la gueule. Ah, c'est horrible. Et encore celui que j'ai, il est petit. Ouais, le nôtre, ça fait super mal. Normalement, le côté en endure. Un truc comme ça, normalement, le casque vole. C'est vrai que ça, c'est. Ouais, mais j'ai grandi. C'est vrai, t'as grandi. Coué a grandi. J'ai changé. C'est pas pour. Bonjour. J'ai fait plus les mêmes erreurs qu'avant. C'était ça, bon, non, mais c'est vrai que ça fait très mal chez nous les animateurs radio quand on se prend un coup dans les joues. Un grand classique ça. Ah, et puis comme j'ai un peu maigri, j'ai moins de joues, j'ai plus mal qu'avant. Ah, oui. Voilà, que de l'os. Que de l'os. Ah, oui, bien sûr. Bon, on fait un gros bisou à Anaïs. Salut ma chérie, ça va? Salut, bah oui, vous. Oui, ça va, Anaïs. Manon a dit qu'elle a pas le moral. Mais alors, elle a pas le moral du tout. Là, on va falloir qu'on l'aide. Hein. Je t'explique mes problèmes. Arrête de dire bichette à chaque fois que je te mets ça. Au début, c'est marrant, mais après, ça et le goût de l'eau, là, c'est pas possible. Je t'explique les problèmes. Si vous voulez, hashtag bien sur Twitter. Hashtag mou. Ouais. Je sais pas comment l'écrire. Bah avec un M et trois ou. Donc, je t'explique les problèmes avec mon patron. Je travaille dans la vente, je suis en apprentissage, il profite de moi. Il ne veut pas que j'aille en cours, j'ai jamais mes pauses dans la journée. Il veut tout le temps qu'on fasse du black. Il m'arnaque sur des semaines de vacances et du coup, j'ai pas le moral. Ah ouais, mais c'est quoi ce patron là? Oh, moi, t'as une photo. Là, dis-moi, t'as pris une photo avec moi. Ça veut dire que c'est moi le patron ou c'est. Oui, je suis ta stagiaire depuis 2 ans. Ah, mais c'est celle qui est venue squatter à table. Je la reconnais. T'as mangé avec moi? Ouais, mais elle est toute mignonne, cette demoiselle qui avait les cheveux bleus bizarres. Oui, mais c'est bon, je suis redevenue blonde. Il était temps. Bon, voilà. Alors, bon, explique-nous. Attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. On y va. Tu travailles dans quoi déjà? Je suis dans un tabac. Un tabac. D'accord. D'accord. D'accord. Okay. T'es pas en stage, c'est un contrat. Non, je suis en apprentissage. En fait, je fais des semaines en entreprise et des semaines en CFA. T'es en alternance. C'est faux. Ouais, voilà. Donc, tu dois faire combien? Ben, en fait, ça dépend. Mais là, je suis en bac pro. Du coup, j'ai plus. Genre, par exemple, ce mois-ci, j'avais 3 semaines au CFA et 1 semaine en entreprise. D'accord. Okay. Et maintenant? Comment? Et maintenant, tu dois faire quoi? C'est quoi le ratio? La quantité? C'est quoi? C'est 3 semaines, 1 semaine tout le temps? Non, ça dépend. En octobre, j'en ai pas. En novembre, j'ai 2 semaines. Enfin, ça dépend vraiment, en fait. Mais t'as 2 semaines de cours. Ouais. Bon, là, tu me dis, il profite de moi. Il veut pas que j'aille en cours. Il a pas le droit de t'empêcher d'aller en cours. Non. Non, mais en fait, ça a surtout dégénéré la semaine dernière parce que j'étais en journée d'appel et il a pas arrêté de m'harceler et je pouvais pas répondre. Et c'est quoi une journée d'appel déjà? C'est qui t'appelle toute la journée? Il t'appelle. C'est les journées d'appel sur la défense. Des attelles, mais si t'as rien de cassé, ça sert à rien. Qui remplace l'armée? Voilà. Ah d'accord. Ouais, c'est la journée de trucs civiques là, c'est ça, sensibilisation. Et il était pas au courant, peut-être qu'il avait fait le planning et que du coup il manquait de personnel, ça doit être ça, non? Tu l'as prévenu, t'as filé un papier? Oui. Longtemps avant. Il a appelé le CFA, il arrêtait pas de gueuler au CFA, il a même voulu que les gens du CFA viennent le chercher en cours et tout. Mais je comprends pas quel rapport. Je comprends pas non plus. Viennent te chercher en cours de quoi? J'étais en cours et il voulait que le directeur du CFA vienne me chercher pour me renvoyer en entreprise. Mais c'est quoi le rapport avec la journée d'appel? J'étais cette journée-là, j'étais pas en cours, j'étais en journée d'appel. Et il a appelé LCFA pour savoir si t'étais là-bas. Et t'étais pas là-bas parce que t'étais en journée d'appel, c'est ça? Voilà. Okay. Mais t'es si, t'es si indispensable que ça au bureau de tabac? Bah, pas vraiment. Bah parce que qu'est-ce que tu fais de si dingue qu'il puisse pas se passer de toi? Elle roule les clopes, elle les met dans les paquets. Une par une. Mais du coup, là, ce matin, j'ai reçu une lettre recommandée comme quoi elle me virait et tout. Bon, c'est terminé, tu t'en fous. De toute façon, il peut pas me virer parce qu'en fait, je suis pas en période d'essai et puis j'ai pas fait de faute grave, donc en fait, il peut pas. Mais tu t'en fous, n'y retourne pas quand même parce qu'il va te mettre la misère. Il met quoi dans la lettre? Il met juste que comme quoi mon effectif il s'arrête. Enfin, je ne ferai plus partie de l'effectif à partir du 10 octobre. Ouais. Mais je ne sais pas, je m'y connais pas grand chose moi, mais on peut arrêter quand on veut quelqu'un qui est en stage comme toi ou qui travaille à un je sais CFA. Pas. Une alternance, c'est un contrat, hein, logiquement. C'est un contrat sur la, ouais, sur la saison. Il faut que je fasse une faute ou alors il faut que la période d'essai. Mais je suis pas en période d'essai. Ouais, mais de toute façon, chérie, laisse tomber. Ça a l'air d'être. Le mec, il a pris ça parce que c'est un contrat qui lui coûte pas cher, qui peut te faire bosser un max. Et puis, franchement, pour un truc de commerce, le tabac, t'as vite fait le tour. Pour faire ton truc de fin d'année, tu vas faire quoi comme dossier? J'ai vendu des clopes. Et puis, c'est pas légal s'il veut que tu fasses du black et tout. Non. Bah, ouais, aussi. Non, bah, le mec, il a cherché un truc. Mais comment il te dit ça? Il te dit que tu veux mettre de l'argent de côté? Comment il fait? Je comprends pas. Il peut faire du black. Rien, par exemple, à ma journée de repos, il va me dire tu viens travailler, je te filerai de l'argent. Ah ouais. Ok. Bon, il bagouille un peu, mais entre vivre l'enfer à aller bosser avec un mec et trouver autre chose, est-ce qu'il vaut pas mieux trouver autre chose? Après, c'est pas évident de trouver autre chose. Mais à cette période-là, trouver un patron qui veut bien prendre le commerce quand même. Si c'est pour se prendre la tête. Ouais, mais il y en a plein qui galèrent parce que dans ces écoles de commerce, là, c'est plus facile. Bah, t'es passé par là aussi, toi, moi aussi. C'est plus facile de trouver des écoles que de trouver des jobs, des mecs qui te prennent derrière. La tanasse que c'était pour trouver un stage. L'alternance, c'est plus difficile qu'en stage parce qu'en alternance, faut payer. Oui, c'est ça justement. Là, c'est ça, c'est la différence. Moi, en école de commerce, l'entreprise qui paye l'école, du coup. Ouais, c'est ça. En école de commerce, ça a été l'enfer pour trouver un stage. Ouais. Mais l'enfer. Moi j'ai trouvé direct. Connasse. Bah non, c'est vrai. Tout de suite, madame. Moi en alternance, madame. Je faisais pareil. Je faisais 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école et j'ai trouvé tout de suite. Enfin, j'ai pas eu jamais eu de problème. Comment t'as trouvé tout de suite? Bah, je suis allée dans. Genre, t'envoies un CV, bonjour. J'ai envoyé plusieurs CV partout et puis j'en ai eu quelques-unes qui m'ont répondu positivement et je suis allée à l'entretien. Moi, j'avais galéré, et prise. Moi aussi, j'ai galéré. Cherchais dans quoi, toi? Dans tout ce qui était pub, communication. Pub aussi, pareil. Ça, mais j'ai galéré. Moi, j'étais dans la radio. Ah bon? Oui, mais j'étais dans les bureaux. J'étais dans une radio qui maintenant n'existe plus. C'est dur, hein, pour et c'est ce que c'était mon stage. J'appelais les radios en province pour essayer de leur faire diffuser la radio. Et ça marchait? C'est-à-dire que, imaginez, t'es là, t'as 19 ans. Tu passes un coup de fil, la radio elle s'appelait M40, elle n'existe plus. C'était un réseau et j'appelais des radios à Marseille et partout. Je dis ouais, bonjour, je suis directeur, je suis responsable du développement. Et voilà, et donc il fallait acheter, je crois que c'était en France, c'était 7 francs. Donc l'équivalent d'un euro de l'auditeur. Donc tu prenais la machine à calculer, tu prenais le nombre de gens dans la ville et tu disais bah on peut vous le racheter tant, ce qui était vachement. Et tout le monde nous dit non merci. Et un jour un mec m'a dit ouais ça m'intéresse. Et là il m'a posé des questions. Et là écoute-moi bien mon pote, il m'a posé des questions, je comprenais rien. Il disait ouais. Oui tout à fait oui. Oui et tout. J'avais recalculé 8 fois voir si c'était la bonne somme parce que la somme elle me paraissait hallucinante. C'était à Marseille. Ouais. Mais bon voilà, mais c'était un stage kiffant, mais j'ai galéré. Hein. C'est galérant, entre galère. Bon, et ma belle mais là, chérie. Dans le commerce, avec les périodes de Noël, ils vont peut-être chercher plus, non? Il n'y a pas un délire, il n'y a pas de. T'as plus enrichissant qu'un bureau de tabac. J'ai rien contre les bureaux de tabac. Mais non, mais surtout qu'il va falloir qu'elle fasse un compte rendu de stage d'entreprise. Rapport, et toi, avec un vrai projet en bac pro, t'as un vrai projet à faire. Dans un bureau de tabac. Ouais, les Marlboros, ça se vend mieux goût menthol que goût citronné. Mais d'un autre côté, ouais, c'est pas évident. Anaïs, tu vas pas te foutre en l'air non plus ta vie. Si le mec est un gros con, essaie d'en trouver un autre. Ouais. D'accord ? Mais reste pas avec lui. Et essaie pas de te battre pour rester parce qu'il va te faire vivre l'enfer. Et là, t'es protégé vis-à-vis de l'école. Allez, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Viens nous voir quand tu veux, on fera une photo, d'accord ? Là, t'avais les cheveux ! Ils sont blonds maintenant, ils sont plus bleus. Ils sont plus bleus, c'est fini. Tout à l'heure, il y a Image dès qu'il sera notre invité. Voici Feller. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. I tell them, don't go, we love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. C'est marrant, Chloé, c'est les 7 nains à lui tout seul. Brave, grincheux, timide, simplet, adjoum, dormeur et joyeux. Alors que la seule personne de petite taille, c'est Julie. Chloé, 19h, 22h, sur Énergie. Voici le ils sont cool ou pas. Nous avons trouvé. Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Bon appétit. Je mange une petite barre de protéines. Ah. Nous avons trouvé un truc de gîte et de chambre d'hôte. Oui. À Landrieux en Champagne. En Bretagne. Bretagne, Landrieux. Landrieux. Ah. Ça s'appelle Langas Accueil Sympa. Langas. C'est le nom. Langas Accueil Sympa. Ils sont obligés d'être sympas. Ah, mais quand tu t'appelles Langas Accueil Sympa, t'es obligé. Ça sent l'échangisme, ça. Mais non, arrête de te voir du mal partout, toi. Mais non, enfin, t'as un peu le droit de dire ça. Oh, ça sent le. Ça va, Non, appelez-les-moi, s'il vous plaît. Je vous préviens, je vais être un gros confini pour voir si vraiment ils sont sympas ou pas. Allez. Je suis désolé, hein. Chaque fois, je m'excuse avant de le faire. Ah. Un petit café. Hein. Allô ? Oui, bonjour. Ouais, c'est Langa Accueil Sympa ? Oui, bonjour, bonjour. Ouais, Jean-Monsieur, oui. Bon, je vous appelle, là, c'est truc de chambre d'hôte ? Oui, oui. Voilà, je vous appelle là parce qu'il y a ma femme là qui me fait chier là pour qu'on aille en Bretagne. Vous voyez, même pas ça du tout. En Bretagne, moi je préfère la Charente-Maritime, mais bon. Alors je cherche une maison d'hôte pas chère. Oui. Vous avez quoi vous ? Ben, c'est fermé, moi je suis fermé là. Ouais, mais vous ouvrez quand? J'ouvre plus là, j'ai mis en vente, ma femme est décédée, donc c'est terminé. Ça va être très très dur de faire des vannes derrière. Bien, ça. Là. Bien. Eh bah écoutez, on voulait faire court, on fait court. Bon bah écoute, on cherche. Ça avait l'air sympa. C'est dommage, ça avait l'air sympa. Normalement c'est sympa, mais bon bah c'est comme ça, c'est la vie. Bah oui. Vaut mieux en rire. Merci monsieur. Bah désolé monsieur. Bonne journée à vous. Il a le sourire quand même. Ouais. Voilà, au revoir, monsieur, bon courage. Oui. Ouais. On a plus l'impression qu'il a gagné au loto qu'il a perdu sa femme, mais. Ah, je suis fermé. C'est fini, j'ai plus ma femme. Non, j'ai plus vrai. Ma femme. C'est vrai que. Je suis libre. C'est vrai que. Il y a le texte qui va pas avec l'intonation. C'est vrai, c'est bizarre. C'est comme si un mec arrive à dire on a perdu la guerre, les gars. Wouhou. Oh là là, on est prisonniers. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Bon, et ben voilà. Bah écoute, il était pas cool, il est fermé. Voilà. Eh ben ça arrive, c'est du live. Allez, voici qu'est-ce qu'on écoute. Soprano. Ah, j'aime bien mon Soprano. J'aimerais bien aller le voir quand il va faire son truc. Bah bientôt là. Mais non, mais au stade. Oui. C'est dans le Loin. Ah, tu vas aller à Marseille toi. Ah, ça doit être énorme. Ça doit être ouf. Stade Vélodrome Soprano. Mais attends, ça doit être dingue. J'ai pas le droit d'y aller. Non, toi tu peux pas. Mais moi je peux rentrer moi. Montel son, on est sur Énergie. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'ai mis mes plus beaux tissus, appel des paparazzi. Je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol s'allume, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car. Sors de la piste, fais une grande carte de bandage. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, bordel sur l'affaire Kardashian. Elle est repartie directement aux États-Unis. Ça fout la merde. Elle donne plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, rien. Elle poste plus rien. Attendez. Sur les réseaux sociaux, rien. Oh, ta gueule, je crois que ça m'a fait. T'as vu l'alcoolique ou pas? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. T'as rien dit, ça passait comme une affaire. Je pense qu'à un moment donné, tu te fais, que tu sois Kim Kardashian ou pas,

close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. Attention, dans le public, là, on est en train de me dire que l'affaire serait peut-être pas si facile que ça. Il y a peut-être une histoire de complot. Peut-être qu'on n'a jamais marché sur la Lune et peut-être Kim Kardashian, il y a peut-être un truc. Il y a des trucs qui transpirent un petit peu, comme il y a toujours une histoire de complot. Laisse parler la demoiselle, s'il te plaît. Oui, mademoiselle. En fait, moi, je pense que. Bonjour. Bonjour. Ton prénom ? Safia. Bonjour, Safia. Bonjour. Moi, je pense que c'est trop mystérieux. En gros, il y a je sais pas combien de mecs qui rentrent dans un appartement privé, enfin un hôtel privé, et ils savent qu'il y a que des gens riches qui vont là-bas et tout, et la surveillance elle est maximum là-bas. Du coup, il y a des mecs comme ça en policier, ils vont là-bas, ils vont chez elle, il a un cambriole normal, après ils partent en vélo, mais c'est pas. Oui, mais il paraît qu'ils étaient habillés en flic. Même s'ils sont habillés en flic, normalement, pourquoi ils sont là en fait ? Bah, en théorie, quand tu frappes à la porte, tu dis bonjour, c'est la police, ouvrez, en théorie, le gardien il ouvre. Ouais. Oui, mais pourquoi ils sont là ? Pourquoi le gardien n'a pas demandé, ouais, pourquoi vous êtes là ? Bah, ils ont dû donner une réponse. Ils ont dû dire, ouais, on est là, c'est une enquête, c'est important, machin et tout, 5 flics. Non, non, moi je trouve que c'est. Toi, tu ouvres pas la porte, toi ? Moi ? Jamais de la vie. Mais attends, ils toi, sont en train de me encore dire. Encore moins les keufs. Toi, franchement. Toi, t'es en train de me dire, il est 2h du matin. Safia, ouvrez la porte, c'est la police. C'est mort. Madame, c'est la police, faut ouvrir la porte. C'est mort. Mais non, vous ouvrez la porte, madame, non. C'est la police. Non. Ah putain, les mecs, toi, un jour, on va te voir dans zone interdite. Ouais. Truc. Ils n'ont jamais ouvert à la police. Mais c'est la police. Non, jamais, j'ouvre la porte. Mais attends, ils sont repartis en vélo, tu dis ? Ouais, ils sont repartis en vélo. Ouais, c'est ce que j'ai tranquille. Dit. Les mecs, ils sont voleurs, mais écolos. Ouais. Il y a du bon dans tous les mauvais mecs. C'est ouf. C'est ça qui est bien. Mais il y a une théorie du complot qui dit comme quoi, justement, elle avait posté la bague, elle a fait sur Twitter pour montrer, pour prouver que, voilà, qu'il y a des gens qui pouvaient savoir qu'elle était là. Que le coup de faire venir 10 millions d'euros de bijoux. C'est la prochaine week. Et en plus, elle aurait tweeté comme quoi elle était toute seule. Voilà. Ouais. Comme par hasard. C'est ça. Comme par avec hasard, celui-là, il part. Comment ça s'appelle le vigile, il part, tout ça, nanani. Ouais, tout le monde a tourné la tête, tout le monde a fermé les yeux. C'est comme. Bon, alors, ce serait quoi l'intérêt ? Elle a raison, c'est chelou. Mais c'est quoi comme toutes les discothèques qui brûlent ? On sait très bien qu'il y a deux discothèques sur trois qui brûlent. C'est pour les assurances. Pour l'assurance qui rembourse. Pour refaire derrière. Tous les grands. Boutique, les allées magasins. Ça fait deux jours qu'elle poste. Je dis ça, mais j'aime beaucoup la mafia. Ça fait deux jours qu'elle poste plus rien sur ses comptes Twitter, Insta. Mademoiselle, au premier. Ouais, elle a disparu des réseaux. Elle est partie un tout petit peu vite parce que vous avez vu qu'elle a quitté la France avant que l'enquête soit faite. Hein. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'elle et elle est montée dans la bagnole, elle a pris l'avion, elle est partie. Hein. Donc, oui, premier rang, un autre avis. Si tu voulais dire quelque chose, tu faisais comme ça avec ta tête. Non, je disais que ouais, c'est gros. Parce qu'une meuf comme Kim Kardashian, qui est dans un hôtel privé. Particulier. Alors que trois personnes, quatre personnes, même en flic, frappent. Si c'est la police, c'est la police à toi, dire yes. Non plus, toi. Moi, jamais. Jamais. Déjà, fait, je suis trop méfiante. J'aime pas ça. On pourrait faire pas ma porte. Je regarde, je demande une plaque, je demande un truc officiel. Mais c'est la police. Mais alors ? Je t'ouvre pas. Mais moi aussi, je peux aller chez toi chercher la police et je rentre. Non, toi, si t'arrives, tu dis je suis la police, je te crois pas. Pas comme ça. C'est pas ou alors crédible. Elle te fait un striptease derrière. Ouais, non, c'est trop gros, puis c'est pas méfiant. En fait, je sais pas, elle est trop. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Trop naïf. Je sais pas. Arnaque à l'assurance ? Oh non, c'est vrai, non, c'est rien. Bizarre, hein. Ça, c'est des trucs qui se disent. Moi, j'ai trouvé qu'elle était partie un peu vite. Ouais, c'est-à-dire ouais, que c'est à dire, oh, je me suis fait piquer 10 millions, hop, je suis parti, je remplis le. Ouais. C'est un peu pas de témoignage, pas de machin. Et Kenny, son mari qui a appris le truc, genre 10 minutes après. Il était en plein concert, il est en pleine chanson. Il s'est barré en plein milieu. Il s'est barré en plein milieu, en plein morceau. Il dit attendez, ma femme s'est cambriolée, il nous avait volé un bijou à 10 millions de dollars avec des mecs qui sont repartis en vélo. Non, c'est pas encore passé. Ah bon ? Ils vont sûrement repartir en vélo. Mais attends, c'était pas dans un coffre-fort et tout ça ? Bah, visiblement non, mais s'ils l'ont ligoté, lui ont dit ouvre-nous le coffre, elle ouvre le coffre. À un moment donné, elle est pas non plus. Ah, le mystère est complet. Non, on sait rien. Dans un instant, tu vas piéger maman. Tu vas piéger maman qui s'appelle Virginia, c'est ça ? Ouais. Allez, bouge pas mon gars, on s'occupe de toi dans un instant, je te dirai les mots, on verra tout ça dans quelques secondes, ok ? Ça marche. T'habites où, Bastien ? À l'Aventy, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Ah, ah. Juste après Snake et Bieber. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Super jeu, Bastien! Maman, elle s'appelle comment, Bastien? Virginia. Vous habitez où exactement? À l'Aventy. D'accord, il paraît que maman, elle est impulsive. Ah, très. Elle s'énerve facilement. Très facilement. Il paraît que ce qui l'énerve le plus, c'est qu'on compare ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Ouais. Qui a écrit ça? C'est lui qui a écrit ça. Non, ça c'est réécrit par quelqu'un de mon équipe. Qui a écrit ça? J'essaie de te défendre. Viens ici, Stouff. Non, j'ai copié-collé. Commence pas. Viens ici tout de suite. Oh là là. Le tribunal la populaire. La rebelle. Donne-moi une mèche de cheveux, Stouff. J'ai copié-collé. Lis-moi ça. Oui, mais. Non, mais s'il te plaît, lis-le. Ce qui l'énerve le plus, c'est qu'on compare ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Non. Et ce qu'on n'a pas. Non. Lis-le, s'il te plaît, vraiment ce qu'il y a écrit. Ce qui l'énerve le plus, c'est qu'on compare ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Non. Là, t'es en train de me mettre des mots. En fait, lise ce qu'il y a écrit. Non, je voudrais qu'elle lise. Ce qui l'énerve le plus, c'est qu'on compare ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Pas de virgule, pas de point, pas de. On y va blue style, quoi. J'hallucine. Blue style. Tu me dis genre niveau matériel, genre les potes et nous. Genre ouais, tous tes potes ont une console sauf toi, etc. C'est ça? Ouais, voilà, le fait de la juger, il paraît qu'elle déteste ça. C'est ça. Et lui parler de son physique, lui redire qu'elle est grosse, etc. Et le twirling bâton. Elle fait du twirling bâton. J'ai vu ça dans Confession Intime. C'est quoi? C'est la majorette. C'est la majorette, là. Oh. C'est les bâtons que t'envoies. Et maman, elle est comment au niveau poids? Bon, ça peut aller. Elle est jolie. Franchement, elle est très jolie. Ah bon, ça va. Hein, parce que le twirling bâton, souvent, on te met des costumes qui vont avec. T'as intérêt à être bien gaulé. Hein, ouais. Parce que attends, ça pardonne rien. Hein. Voici les 5 phrases que tu vas lui dire. Elle aime bien que tu... Tu fumes ou tu fumes pas, toi? Non, je fume pas du tout. Eh ben, tu vas fumer maintenant. Depuis plusieurs jours, je te pique des clopes dans ton paquet. Ouais. Mes potes, ils ont le droit de fumer. Leurs mères, elles sont moins chiantes que toi. Tu veux pas aller faire sauter ton bâton, au moins, et moins me casser les couilles? Moi, je dis pas que t'es trop grosse pour le twirling, alors me saoule pas. Et la dernière, de toute façon, si je fume, c'est que tu m'as mal éduqué. On y va tout de suite, t'es prêt? Tout de suite, ouais. Allez, vas-y. Il y a une PS4 à gagner, les gars. Ah, quand même, PS4. Avec le... Là, d'un seul coup, t'aurais une console et t'aurais une belle console. Ce serait cool. Ouais, comparé avec les potes. Avec le film Capitaine America, Civil War. C'est Carten, pas Capitaine. Capitaine. Moi, je le dis en français. Oui, allô? Ouais, allô, maman? Ouais. Ouais, c'est bon, bah, tu sais. Ouais. Ouais, Mimi, elle t'a dit que je devais te parler vite fait? Elle m'a dit que tu devais m'appeler, mais tu m'appelles en inconnu. D'habitude, je réponds pas aux inconnus. J'ai pas fait exprès, désolé. Ça me dit, on a été à un mariage. Ouais. Ouais, en fait, ça faisait quelques jours que je piquais des clopes dans ton paquet. Quoi? Bah ouais, j'ai commencé au collège. Tu te fous ma gueule? Non. Tu te fous, moi? Tu pouvais pas me le dire? Bah, tu te dis comment? Je sais pas. Parce qu'au téléphone, je peux pas t'en mettre une. Ah, je sais pas, tu voulais que je te le dise comment? C'est pas facile à te parler. Je t'avais dit quoi? En plus, mes potes sont le droit de fumer, et puis leurs mères sont moins chiantes que toi. Quoi? Moi, je suis chiante? Ouais. Attends que je rentre du sport, mon gars, m'arrive de t'en mettre une droite. Là, je vais être chiante pour quelque chose. C'est peut-être 1m85, mais je te jure que je t'en coule une. Tu veux pas aller faire sauter ton bâton et moi me casser les couilles? Ouais? C'est mon fils qui me parle? Ouais. Je rentre dans 2 heures, mon grand. Ouais. Tu vas voir mon bâton, il va te casser les couilles, mais quelque chose de phénoménal. Enfin, je sais pas. Ah, tu sais pas. Ah, mais on se voit tout, non. T'inquiète. Le bâton sport, ça va voir. Moi, je te dis pas que t'es trop grosse pour Turing. Ouais. Enfin, c'est pas toi qui me parle, là. Bah, si. Je suis avec Johan, là. T'es avec qui? Avec Johan. Avec tonton? Et il sait depuis quand? Lui, il a pris une semaine. Hein? Ok, on avait parlé de ton poids et tout aussi tout à l'heure. Donc, en fait, là, tu me dis que t'es censé faire du sport à l'Aventy, et en fait, non. T'es en train de te foutre de ma gueule. Bah, non. Bah, si. Tu dis que tu vas courir de 1 à Sarroual et tu me téléphones pour m'annoncer ça. Enfin, d'habitude, tu me le dis en face, Bastien. Et tout comme ça, même si tu sais que je vais partir en cacahuète. C'est bon, elle nous emmerde, ta mère. Ça va, t'as le droit de fumer, ça va, quoi. C'est bon, on peut en parler. C'est qui le branleur? Ça va, qu'elle nous saoule. C'est qui le branleur? C'est un ami. Ouais, tu dis merde, et puis c'est un ami, ça fume, si tu veux fumer. Tu sais où j'habite, Baba? Tu vas me le ramener tout à l'heure. Non, mais j'en ai rien à foutre, on fait ce qu'on veut. On va voir. Si on a envie de fumer, on fume, d'accord, ok. On merde, on attention, si je fume, c'est que tu m'as mal éduqué. Hein. Ouais, c'est ça, c'est parce que t'es mal éduqué. Quoi à cause de ta mère, c'est ça. Mais sérieux? Trop nul. Tu fumes, c'est que t'es mal éduqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ouais. La tête dans le mur. Ouais, vas-y. Tu connais? Ouais, que des promesses, attends, vas-y. Ah ouais. Eh, dis-lui merde, ah ouais. C'est bon, dis-lui merde. Ah ouais? T'es mal éduqué, mon grand. T'as on va régler dire... ça tout à l'heure. Et t'as qu'à lui dire merde, ta mère. Elle nous saoule avec ça. Ferme ta gueule, toi, derrière. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ferme ta gueule. Ouais, vas-y, toi, ferme ta gueule, hein. C'est bon, hein. Toi, tu fermes ta gueule, hein. On est en train de parler, on est en train de parler, hein. Direct, hein. T'es où, là? Blah, direct, hein. Ferme ta gueule. Quoi? Ouais, ferme t'es ta où gueule. Bon. T'es où, Bastien? Ah, je suis à la rentrée. Ah, mais c'est pas grave, tu sais quoi, je vais pas aller au sport, je vais te démonter. Wow. Et ton gamin, et ton copain avec. Ouais, vas-y, alors là, je t'attends, moi. Alors là, ah, ouais, bah, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes petits bras et ton bâton de twirling, là? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Ah, attends, mon grand, le bâton, j'en ai pas besoin. Ouais, vas-y, va faire la majorette je sur le parking. Je suis pas crocodile, moi, connard. Bon. Bah, ouais, vas-y, défi du 14 juillet, là. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est bon, je t'avoue que je fume, mais tu pètes un plomb. Attends, c'est bon. Mais de où c'est toujours dit, le jour que tu fumes, je te démonie. Ah, je sais bien, ouais, bah, c'est bon, arrête de te parler avec ouais, nous. On, ouais, on fait ce qu'on veut, c'est quoi bon. Quoi ouais, ouais, c'est tout, non, c'est pas tout. Mais c'est bon, on fait ce qu'on veut, ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Et toi aussi, tu fumes. Ferme ta gueule, je vais te reparler quand t'auras deux poils sur le cul. Ah, qui c'est quoi j'en ai plus que deux, hein. Mais si tu fumes, je te fais pas chier pour ça. Moi, je suis ta mère, connard. Et moi, là, tu commences à me saouler. On va régler ça tout à l'heure. Hey, j'en ai, je suis sûr que tu vas avoir ta tête dans le mur, tu vas oublier que tu fumes. Je viens de contrôler, j'en ai plus que deux, hein. Mais tu fais ce que tu veux, toi, connard. Ah bon, ah, c'est qui à qui tu parles? Espèce de branleur. Oh là là, comment vous me parlez mal? Oh ouais, comment elle, ah elle, comment elle est trop oh mon Dieu, je vous parle mal, mais j'en ai rien à foutre. Ta mère est trop vulgaire, sans déconner, on dirait un autre. Ah non, t'es trop vulgaire avec ton pote, là. C'est bon, hein. Je ton pote. Vas-y, Booba, c'est bon, maintenant. Tu vas voir, toi, si depuis quand tu traînes avec des gens d'Aventi? Ouais, ça va, t'appelles pas, te regarde pas. Tu peux respecter les amis quand même. Attends, je prends le téléphone, Allô? Ouais. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on est entre nous, là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, qu'est-ce que tu viens de parler? Je te connais ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Pierre-Paul, Jacques, on dit pas ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, on dit Pierre-Paul, Jacques. Je m'en fous. Attends, j'allume la clope. Retourne à l'école. Attends, j'allume la clope. Tais-toi. J'allume la clope à Bastien. Tiens, Bastien. Merci. Tiens, mais tu es sérieux, mon grand? C'est sérieux là? Vas-y. Ouais, je suis sérieux, pourquoi? Je vais t'apprendre à fumer, ça. Tu vas voir. Tu vas fumer du cerveau. Je te jure que c'est vraiment grand. Alors. Et puis on en parlera avec Tara. Putain, elle est saoulante, ta mère. Elle est saoulante. Tu nous as dit qu'elle était chiante. Mais elle est chiante. Ouais, c'est la vie, là. J'ai démonté. Ouais. Quoi? T'avais dit quoi? Qu'elle était chiante. T'as dit qu'elle était chiante. J'avais dit que t'étais chiant, tu m'as pas cru. Grosse relou, c'est une grosse relou. Je vais te démonter. Grosse relou. Mon fils qui fume et en plus qui me dit que je suis chiante. Mais mon grand, le manque de respect, je te le réapprends, je te jure. N'importe quoi, que des promesses, même pas en a peur, Ah, toi, ferme ta bouche. Oh, toi, ferme ta bouche aussi, hein, d'accord? Ah, ta gueule. Franchement, ferme ta gueule. Pourquoi? Ta gueule. Pourquoi? Ta gueule. Ben non. Si, ferme ta gueule, je parle à mon fils, toi, t'as rien à voir dans l'histoire. Non. Vas-y, moi, arrête, respecte-le. Ouais, respecte-moi. Non, on est en pays libre. Vas-y, respecte-moi. Ouais, bah oui, on était dans un pays libre, justement. Le jour où j'ai envie d'en coller une à mon fils, je le ferai. Il sort, il va se la prendre. Et je te respecte, et toi, tu me respectes. Mais tu ne tombes pas dessus parce que c'est pareil. Quoi, vas-y, tais-toi. De quoi tais-toi? Majorette. Bah alors, c'est joli, Majorette. Ouais, bah fais-toi plaisir. Majorette. Ouais. En plus, cette turling, c'est pour les poufs. Femme de branleur. Quoi? Majorette. Cette turling, c'est pour les poufs. Tu vas voir, je te fous une. Je te mets une poule, droite de pouf. Une droite de pouf. Tu vas voir ce qu'est-ce que c'est, une pouf. Une droite de majorette. Tu veux, viens, vas-y. Ouais, bah attends, je vais chercher ta sœur au lycée, attends, là, et on va même pas d'autre sur nous. Je vais parler à ta mère. Allô? J'ai trouvé un, je vais te démonter. Attends, allô? Qu'est-ce que tu veux? Majorette? C'est tout? C'est tout ce que tu sais dire à peu près français? Non, moi je peux dire plein d'autres trucs. Vas-y, fais-toi plaise. Hein? Un, deux. T'habites. Eh bien, tu sais compter. T'habites. Allez, continue. C'est vrai qu'il y a cette statistique qui dit que moins les villes elles sont grosses, plus les majorettes le sont. Ouais. Ça se vérifie souvent. Statistique. Et quoi, tout ce monde derrière? Ah oui, parce que tu sais, j'ai oublié de te dire, c'est une blague. Ah oui. Quoi? C'est une blague. Vraiment? Oui. Moi, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. C'est pour rigoler. Non, mais si, c'est bon. Bah, alors, oui. Et Et je crois que Bastien a été le mec le plus mauvais qu'on ait eu depuis longtemps. Ah, il s'est rattrapé, mais le début c'était laborieux. Ouais, c'est pas mon fils du tout, c'est ça qui est étonnant. Bastien, qu'est-ce que tu nous as fait au début? C'est quoi, c'est long? J'ai travaillé ce matin, j'ai commencé à 4h, je suis crevé. Eh ben alors, fallait faire ça demain. C'est quoi ces longs silences là que tu nous mettais entre les deux? J'avoue, ouais. Ah, désolé, je suis crevé. Ah, il était stressé, c'est pas facile. Ah oui, parce qu'il me parle pas comme ça, Bastien. Il m'a tenu en face à un enfant très. Bah oui, pour la peine. Pour la peine, c'est pas normal. Je vais lui offrir une console, une PS1. La première avec les jeux qui se font plus. Oui, Pierre? Non, mais si, il mérite de gagner quand même. Oui, bon, parce qu'il en a pas. T'as pas de PS4? Non, j'ai pas, non. Eh ben, la nouvelle, tu l'as, mon gars. Je te fais un gros bisou. Bisous, maman, et j'embrasse toutes les majorettes. Majorette. Non, c'est pas majorette. Le twirling bâton. Bisous, salut, à bientôt. Inscrivez-vous pour les prochains koyatenergie.com. Lui sera notre invité jeudi dans la même émission que Robbie Williams. Ça va être le bordel cette émission en live, je vous raconte pas. Voici Kenji. Hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Passez-nous un coup de fil, 0870 42 48. Je suis content, j'ai mis la casquette, mais je l'ai mise un peu basse. Ouais, un peu basse, ouais, on voit plus les yeux. Ouais, je vois que la visière. A tout de suite, bougez pas, on est là. And now, come on, the nominees. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Maître Gims. This is Charlie Puth. C'est Louane. Now, votez pour les Energy. Energy. Music Awards. Ça va être un truc de dingue. Votez maintenant sur Energy.fr. Oui, pour moi. Non, non, non. Pour nous.

On verra. Si on a le temps. On le prendra. On aura Kevin. D'accord, on va. Dites-lui qu'il faut qu'il ait le temps. A tout de suite. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold. You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the life will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the life will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Tu vas bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous entends très pas? Très bien, je m'entends pas. Ah, c'est parce que tu es sourd. Ça vient d'arriver comme ça d'un coup, c'est une mauvaise nouvelle. Ça y est, il n'était pas branché? C'est bon là? Ouais, top, là je suis branché. Ah là, c'est bien. Tu le dis si c'est trop fort, parce que des fois Julie a tendance à mettre d'un coup. Non, fort. Ça va, t'inquiète. Bon, ça va, tout roule depuis la dernière fois? Ouais, tout roule, tout bien. Je disais, putain, cette chanson là. En boucle, tout l'été, je l'ai eu. Tout l'été. Je fais une bise à nos amis de Trace, la chaîne de télé qui t'ont mis en boucle, hein, je te le dis. Hein, je sais pas si t'avais les rotations, mais tout l'été t'es passé. Ouais, je voyais ça. Ah bah moi aussi, je le voyais bien. Il y avait l'écran devant ma salle de sport. Tous les jours. Salle de sport. Mais Trace, c'est super, mais c'est un tout petit peu répétitif. Ouais, au niveau des. C'était génial, hein. Ouais. Mais je t'avais tout le temps. J'avais 2-3 autres clips aussi. Tout ça pour caser que tu faisais du sport pas, tout l'été. C'était pas Trace France, c'était Trace Antilles, je crois. Ah. Donc voilà. Et donc tout l'été, je t'ai eu dans la tête, mon gars. Fort. Et toi, t'as fait quoi cet été? J'étais au charbon. Hein. Ah, t'as bossé? T'en fais faire quoi? Des tournées? Ouais, on est en plein de tournées, on a fait des concerts un peu partout. Te jure. Espagne, Pays-Bas, Allemagne. Allemagne? Ouais. C'est bon ça? Ouais, c'est bon. Hein. J'ai encore une tournée en Allemagne en décembre, je crois. Et l'allemand, il dit, il connaît, il comprend, il s'en fout, non? Il trouve ça bien? Il comprend pas les. Il y a quelques Français, mais ce n'est qu'ils comprennent pas. Ya, Fundebar! Ya, m'acheter! Ouais, en même temps, moi, c'est des refrains qui sont faciles à mémoriser, donc c'est-à-dire les refrains. Ouais, ça rentre dans la tête. Ils disent les papa, papa. Oui, ça va, ouais. Ça va. Bon, et l'Espagne, bien? Ouais, l'Espagne, franchement, c'était bien. J'étais parti là il y a 2 semaines, je pense. J'ai fait Madrid et Barcelone. C'était cool. Son bon esprit. Ouais, bon esprit. Bon, c'est le principal. Ça va le public? Vous êtes en forme, vous? Ouais. Tout à l'heure, on s'en fera deux. Hein? on se fera deux lives. Oui. Bah ouais, tant qu'à faire, on l'a fait venir et tout. Attends, on l'a fait revenir d'Allemagne directement. D'Allemagne. Faut bien qu'on se fasse ça. Il y a une tournée. Mais arrête de toucher à toutes mes feuilles. Excusez-moi. En fait, il est là, je suis en train de parler. C'est marrant, je lui ai demandé de mettre l'affiche parce qu'il y a la tournée. Mais j'ai tout, mais vous me croyez que. Mais attendez, il y a écrit professionnel là. Ça fait 70 ans que je fais de la radio. 70 ans. Et t'as que 29 ans. Ils ont construit l'immeuble autour de moi. Ils ont construit cet immeuble. C'est pour te dire. Donc je disais, l'album s'est sorti le 15 avril. Il y a une tournée, on le disait un peu partout. J'ai toutes les dates. Il y a le Luxembourg. C'était au mois de septembre. Oui. Il y a ensuite, tu vas aller faire un tour à Caen. Ça c'est le 7. Angers, Lyon, Saint-Étienne, Nîmes, le Bikini à Ramonville. Je ne sais pas bien où c'est, mais je ne sais pas moi aussi. Voilà, mais il va connaître. Alençon ensuite, il va y avoir du Martigues, Ris-Orangis, Saint-Lô, Lille, l'aéronef, c'est bonne salle. Biarritz, Cognac, Clermont, Nancy, Annemasse, Strasbourg, la laiterie, très bien. Toute la France, quoi. Et au fait, la dernière fois, on s'était quitté, tu partais à Marseille. Et on parlait de comment ça allait se passer, la Champions League là-bas. Ça donnait quoi à Marseille. Ouais. Ah, bah ça s'est bien passé. Est-ce que t'as dit 1-3, c'est la Champions League ou t'as quand même 7-5. Maintenu le 7-5? Non, j'ai dit 1-3. Tu sais quoi? Nous, on avait fait les paris dans notre coin. Ouais. On s'est dit, il le fera pas, j'avais le 5-5. Non, j'ai fait le 1-3, j'avais pas ma sécu avec moi. Non, vaut mieux se prendre le public dans la poche dès le début. Ouais, c'est mieux. Parce que les mecs, ils sont là, ils attendent, ils disent, tiens, voir ton 7-5. S'il nous fait le 7-5, ils attendaient que ça. Viens voir s'il fait le 7-5. Tu vois, c'est bon. T'as eu raison, en tout cas. Il y a des gens qui veulent te dire un petit bonjour, mais avant qu'on dise un petit bonjour, il est temps qu'on s'occupe quand même. Alors, il y a plein de mots. Toi, par exemple, MHD, c'est diminutif de. Mohamed. Mais alors que tout le monde jusque-là disait Momo. Ouais. Oui, c'est vraiment c'était Momo. Tous les mecs qui s'appellent Mohamed, le diminutif c'est Momo. Là, c'est MHD. Ouais, je voulais me différencier des autres. Parce que tu pouvais confondre avec Maurice aussi. Momo, c'est Maurice aussi. C'est vrai. T'as raison. Par exemple, Louis, il y a plein de gens qui l'appellent Loulou. Loulou. Sophie, tout le monde les appelle Soso. Personne dit des trucs. Je vais te faire écouter des musiques. Tu peux jouer, tout le monde peut jouer. Vas-y. On commence comme ça. Le principe, c'est que si vous reconnaissez l'artiste, vous ne me dites pas l'artiste, vous me dites son surnom. Son surnom. Genre, vous entendez Shakira, vous allez me dire Chacha. Pas sûr que tout le monde l'appelle Chacha, non, mais c'est moche, surtout. Ou Shaki, mais c'est plutôt Chacha. Shaki, ouais. Vous êtes prêts? Allez. On le reçoit. C'est Jojo. C'est Jojo. Jonas Blue. Oui. C'est Jojo. Attention, c'est toi qui joues. On y va. Ça fait pas. Je suis français. Blackie. Les plus cons diront blabla. mais c'est mignon, Blackie. Attention, plus compliqué. Quoi que non. Pensez à la chanteuse. Merde. Oh. Mais non, c'est la chanteuse. Pas le DJ, c'est Calvin Harris. Vas-y, bah c'est caca. Oui, mais la chanteuse. Ah, moi je connais pas la chanteuse. Eva, c'est Eva Simons, non? Riri. C'est Riri. C'est Rihanna. Ah, c'est Rihanna. Rihanna, donc c'est Riri. Je sais pas qui chante. C'est Rihanna. Si on sait pas qui chante, en même. Rihanna qui chantait ça. Avec Calvin Harris. On continue? C'est Boubou. Oui, c'est Boubou. J'allais dire c'est Joule, moi. C'est comme ça, moi j'ai croisé la dernière fois dans la rue, je fais check Boubou. Mais il m'a dit salut Coco. Non, ça c'est bien passé, on continue. Ah, c'est Kéké. Ou Kiki. C'est Kéké. C'est Kéké. Ah, aussi c'est Kéké. C'est Kéké aussi. Kenji. C'est Kenji. Vous pouvez laisser jouer, s'il vous plaît. Ah, pardon, non, on s'emballe, hein. Non, mais. On a fond, nous. Ah, merci, vous, quand même. Ah. J'ai dit la première lettre. Jean. Ah, mais. Mais sur mes surnom, A. AD. Non. Ouais. J'avais ouais, Bouboule, mais non, je ne pas. Ça va pas, non. Ça va pas, non. C'est gratos, là. C'est gratos. C'est en pur gratos. Ah, Clara, bienvenue, ma chérie. Ça va? Salut, Coé. Salut, MHD. Salut, ça va? À toi, ma belle. Vas-y. Ça va, ouais. Toi, super. Tranquille. Alors, j'aurais voulu savoir. Je sais pas où tu es, mais il y a du vent. Elle fait du char à voile. Oui. T'es où pour qu'il y ait un vent comme ça? Je suis dehors. Oui, j'ai bien compris. Mais heureusement qu'il n'y a pas du vent comme ça dans ta chambre. Mais où en France? À Brest. À Brest, forcément. Bah oui. La con, bien sûr, évidemment. Vas-y, Clara. Alors, j'aurais voulu savoir pour toi, qu'est-ce que ça représentait d'avoir un double disque de diamant? Oh putain. Non, c'est de platine. Ah oui, disque de platine. Sort, c'est de platine. C'est mieux. Moi et l'équipe, on est fiers du travail. On a travaillé pour. Au début, on avait comme objectif un disque d'or et avoir un double disque de platine, ça nous motive encore plus à sortir un deuxième projet. On est fiers de nous. Double disque de platine. Bah, c'est nous aussi, on est platine, 000, c'est mieux que diamant. 200 000 albums. 200 000, c'est beau. Hein. 200 000 albums, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Aujourd'hui, c'est beau. Et c'est pas fini. Ouais. Putain, elle est pas finie la vie du titre, l'album. Donc c'est pas fini. Non, c'est bien, double disque de platine. Non, c'est pas mal. Voilà ma petite Clara. Ouais, le vent l'a emporté, laisse tomber. Elle est partie. C'est des mecs qui habitent bien. Allez, oui, Clara. Jeudi, je viens te voir en concert à Brest. Bah, fort, fort. Fais gaffe, il y aura du vent. Est-ce que ça serait possible qu'on se voit pour faire une photo? Ouais, il y aura une séance, il y aura une séance photo après le concert. C'est à la Carène, à Brest. Ouais, à la Carène. Voilà. Je te fais un gros bisou, ma Clara. Super, j'ai trop hâte. Ouais, je vais m'éclater. Ouais, yes. Elle est bien parce qu'elle a la pêche déjà. Je te fais un bisou, Clara. Ça te brancherait qu'on se fasse un titre en live ou pas? Oui, trop. Comme ça, il va se mettre dans l'ambiance pour jeudi. On fait lequel, Julie? Le nouveau. Allez, vas-y, mets-toi en place, camarade. On va se faire le titre en live. Clara, je te fais un gros bisou et t'embrasse tout le monde à Brest. D'accord? Ouais, bisous, tout le monde. Dédicace à tout le monde. Bisous, je t'embrasse fort. À bientôt. Il y aura Mathieu dans un instant. Mathieu, t'es là? Yes, je suis là. Ouais, tout roule. Dans un instant, ce sera à toi, Mathieu. Prépare-toi, détends-toi. Ça va aller. Il y aura Alicia. Alicia, t'es là aussi? Oui. Ça va être à toi aussi dans quelques minutes, Alicia, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'on va écouter, Julie? Akele Enta. C'est reprends-la, tu peux la reprendre. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès parce qu'il savait pas. Alors, Akele Enta. Non, c'est Akele Enta. Tu sais quoi, ah, vous l'apprenez pas encore, c'est, hein. C'est ridicule, mais c'est fait avec le cœur. On dirait la vieille mamie qui connaît pas les trucs de jeunes. Tu sais. C'est ça, on dirait la vieille tante qui chante au bout de la table. Ah, faites du bruit pour MHD en live. Ouais. C'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, pour rien ne me ferait. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. Mais pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir, c'est bonjour, l'ambiance peut démarrer. On est tous dans la foule. On est présent, personne ne veut rater ça. Des petits aux grands, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami à quel état? Naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est dépassé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est bonjour. L'ambiance peut démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits aux grands. Famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Quel état? Tu l'as choisi, elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi, c'est à dulciner, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, l'ambiance peut démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits aux grands. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer, ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel endroit? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? que vous kiffez. Julie, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Akelenda. C'est bien Julie, c'est excellent. Alors on sent celui-là. J'ai fait une autre version en fait. Ouais, c'est bien. J'aime bien aussi. T'as oublié de dire mon ami en fait. C'est celui-là qu'on sera tout à l'heure. Oui. Yes. Maman, j'ai mal. Ouais, maman, j'ai mal. J'aime bien aussi. Bon, en tout cas, on se fait une belle semaine MHD, notre invité. Hashtag MHD chez Koué sur Énergie. Très belle photo, encore une fois, qu'a tourné sur les réseaux sociaux. T'es beau comme ça. Montage, ouais, elle se fait chier, la nana, à me mettre des casquettes, à me mettre des trucs et tout. C'est vachement bien foutu. Bah ouais, hein. C'est vrai. On fait une bise à celle qui fait tous nos visages. Parce que ouais, genre, cette casquette, tu l'as jamais eu sur le crâne. Non, en fait. C'est ça qui est fort. C'est que la nana, on lui donne une quinzaine de photos et tous les jours, elle met une tête différente. Tu veux pas qu'on lui demande de refaire ta photo sur Wikipédia aussi pour entendre. La photo de 1992, tu fais 110 kilos. T'as Wikipédia qui a commencé ou pas? T'as regardé? T'as quelle tête dessus? Ah, ils m'ont mis une vieille tête. Je fais exprès, je crois. C'est vrai, c'est une vieille tête. Mais on est d'accord. Je crois que les mecs de chez Wikipédia, ils se disent, ok les gars, on fait une bio, mais on va leur mettre une tête dégueulasse. Parce que moi, j'ai une tête sur Wikipédia, mais je ne savais même pas que j'ai eu cette tête. On peut pas la changer. Non, mais je crois que c'est des photos de libre de droit en fait. Et tu l'as la photo. Elles sont pas toutes libres de droit en fait. Donc ils prennent celles qu'ils ont en fait. Je vais leur en donner une. Bah c'est pour ça. Bah monsieur Wikipédia, la tienne est ton Michel. Ah, c'est horrible. Montre au public. Attends, mais ça s'invente pas quand même. C'est horrible. T'as été comme ça. Je savais même pas souvenir de quand ça date cette tête là. Ah ouais, dur. Eh mais on dirait que tu fais le double. Non, en fait moi ça passe en fait moi. Du coup, quand tu vois c'est ça, tu dis ça passe en fait. Hein? En fait moi ça passe alors. Par rapport à moi tout passe. Hein, je peux vous le dire. Mathieu. Il faut les contacter les mecs. Oui mais je vais en mettre une à moi. Je vais. Ah, il y en a pas. Il l'a enlevé. Ouais. Bon, ils se sont dit finalement ça passait pas. Allez, monsieur Wikipédia, je vous laisse un message. Je vais moi-même à la fin de l'émission vous mettre une photo à moi que je vous donne. Faites cadeau, mettez-la, mais enlevez-moi cette saloperie. Mathieu, vas-y mon gars, je te présente MHD. On aura des surprises dans un instant dans l'émission. On aura du bonheur. Je peux juste vous dire un truc, on aura du bonheur. Vas-y. Yo MHD, ça va? Tranquille toi. Ça va, ça. Ma question, c'était en gros, c'est quoi un peu ton processus de création pour un morceau? Parce que chaque fois que tu sors un morceau, c'est un tube, ça s'ambiance de fou. Et je voulais savoir un peu l'inspiration, le processus de création, comment ça devient? Franchement, ça me vient, je sais pas, je m'inspire de ce que je vois au quotidien, tu vois. Par exemple, le morceau Akelenta, je l'avais écrit pendant le mariage d'un grand de mon quartier. Voilà, ça m'a un peu inspiré. Après, j'ai écrit dessus. C'est-à-dire que tu l'as écrit pendant le mariage? C'est-à-dire que tu te faisais chier pendant le mariage? Non, en fait, j'ai eu l'idée le jour du mariage. Ouais. Voilà, après, j'ai peut-être écrit 2-3 jours après. Voilà, je m'inspire de ce que je vis. Tu vois. Et parole d'abord, musique après? Ou... Parole d'abord, oui. Parole d'abord, toujours? Ouais, parole d'abord. Et après, l'instru, je travaille directement avec Dany Sainté. Je vais au studio, il me fait l'instru directement sur place et je pose directement. Au mariage aussi, ça faisait chier. C'est chier de les mecs, ils ont tout fait en même temps. Voilà, je te fais un bisou, Mathieu, à bientôt. Merci. T'habites où, Mathieu? T'habites où? Ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux, bon, région parisienne, attends, je regarde. Ouais. Pour aller en concert, région parisienne, je vois. Ça sera Paris. Non, je vois Riss-Orangis. Ouais. Le plan, à Riss-Orangis. Il y a Paris, hein, la cigale, les gars. Il y a la cigale en janvier aussi. La cigale en janvier, 26 janvier à la cigale. Ouais. Moi, j'y vais au mois de mars, je crois. Je fais la cigale au mois de mars ou au mois de février. Après, toi, tu me chaufferas la salle. Voilà. Hein, tu mettras une... le frein après. Ouais. Je te fais un bisou, Mathieu. Je t'embrasse, mon gars. Ciao. À bientôt. Yes, Alicia, ciao. Qui est là. Alicia, 16 ans. T'habites où, Alicia? J'habite à Notre-Dame de Gravenchon en Haute-Normandie. Notre-Dame de Gravenchon. Tu passes pas là-bas, Notre-Dame de Gravenchon? Ça n'a pas l'air très très grand, Notre-Dame de Gravenchon. Il y a combien d'habitants? Je sais pas. La louche, 2, 3. En comptant le chat qui passe. Putain, Notre-Dame de Gravenchon. Ah là, sérieux. C'est dans le combien ça? Normandie. 76? Oui, dans le 76. C'est ça. Mmh. Allez, vas-y, ma belle. Bonjour MHD, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui. Elle a lu ça. Ouais, c'est ça. Vas-y. J'avais une question à te poser. Uh-huh. As-tu passé une bonne journée? Julie, fous-lui la paix, enfin, elle est toute stressée dans son coin. Je voulais savoir ce qu'il pensait de ses fans. Est-ce qu'il prend le temps de leur répondre et tout ça? C'est très dur, très dur de répondre à ses fans, surtout sur Snap ou sur message sur Facebook. Voilà, parce que t'imagines, il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de monde. Mais après, des fois, dès qu'on a le temps, on essaie de répondre au moins à 2-3 personnes, dès qu'on a le temps. Tu vois. Mais on peut pas répondre à tout le monde, c'est sûr qu'on peut pas répondre à tout le monde. Mais par contre, on voit les messages et ça nous fait plaisir. Ça donne de la force. D'accord, merci. À bientôt, ma petite Alicia, je t'embrasse fort. À bientôt, bisous. Bisous, ma chérie. Bon, Julie, j'ai combien de temps là? J'ai le temps ou pas pour faire un. J'ai le temps ou pas? Non, on a 2 minutes. J'ai 2 minutes. Bon, alors, on est d'accord que. Comment tu dis Akelenta? Akelenta? C'est génial, Julie. Non, on n'a pas le temps là. Tu l'as bien dit. Quoi, j'ai pas le temps? Akelenta? J'ai pas le temps quoi? Non, minutes. J'ai le temps pour un truc. Ah, ça oui. Veut dire quoi, pour ceux qui savent pas? Akelenta, ça veut dire ne choisis qu'elle. D'accord. En gros, je dis à mon pote, il a avec une meuf, et je dis, ouais, là, je ne choisis qu'elle. D'accord. Vous avez vu qu'il y a plein de mots comme ça maintenant qui arrivent. Hein. Vous avez vu qu'il y a plein de mots africains dans les chansons, c'est la mode. Ou, ou des mots des îles, etc. Ouais. Ou des mots créoles qu'on glisse un peu partout dans plein de trucs. Ouais. Les gens du public, nous allons jouer. Attention, on joue avec le public. Allez, ouais. Je vais vous donner des mots. Personne n'aide personne. C'est chacun pour sa gueule, d'accord? Je vous donne des mots. Non, commence pas à regarder ta copine à côté. Hey, tu m'aides, tu me laisses pas toute seule. Signification, le Bacari, c'est un jeu de société ou un plat? Un plat. Bien joué. À côté, pas du tout. Moi, si, c'est ça, à côté. Mademoiselle, un démarreur, c'est une pièce de moteur ou un aphrodisiaque? Une pièce de moteur? Non, c'est un aphrodisiaque. Ouais, ouais. Alors, en quoi? Après, j'en sais rien, il y a plusieurs. Ouais, t'es allé chercher loin là. Ouais. Non, mais si, enfin, c'est de l'argot en fait. Ouais, mais on mélange tout là. Il y a de l'Afrique, il y a tout là. Il y a tous les pays africains. Ouais. D'accord. Un Moukourou. Ah bah, t'es bien tombé toi. un ignorant ou un mec qui s'appelle Moukou et qui est roux. Un ignorant. Oui. Très bien, attention. Le Bonda, des grosses fesses ou la femme de James Bond? Des grosses fesses. À la Martinique. Ouais, j'avais qu'est-ce que j'avais des gros bondas. Les gros bondas. J'avais demandé dès le début du spectacle, j'ai demandé s'il y avait des gros bondas dans la salle. Et il y en a deux, trois qui ont dit. Et tu sais, elle sera des bondas, là, elle danse là. Elle a le nez dans les fesses. Là. Violent. Ouais, violent. Ouais, mais drôle. Oui. Un coco. Hein? C'est toi. Ouais, c'est vrai. Ça marche. C'est un profiteur ou un beau gosse qui fait de la radio. Donc ça pourrait être la deuxième possibilité. Bah, un beau gosse qui fait de la radio. Non, ouais, non, un profiteur, un coco. Ouais. Après, j'en sais, on a parcouru l'Afrique pendant 4 mois. On a été chercher argot africain machin et on a chopé des vocabulaires trucs un peu partout, du vocabulaire argot. Après, je sais pas de quel pays ça vient, quoi. Ça se trouve que tout ce que tu dis, c'est de la. Non, on a été dans des sites officiels quand même. Ouais, genre Wikipédia. Une maboya. Qui c'est? Une maboya. Mais personne sait ce que ça veut dire. Vous êtes allé chercher un truc dans une tribu du fin qui n'est pas. Ils sont plus utilisés depuis 1322. On a pris en gros, c'était entre Côte d'Ivoire, Niger, Mali et Cameroun. Je sais plus quoi. Une maboya. Après, il y a plusieurs dialectes, machin, j'en sais rien. C'est où un DJ d'énergie, Morgane Maboya? Ou une prostituée? Prostituée, apparemment, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Arrête ce jeu tout de suite. Je vais arrêter ce jeu parce que la prochaine fois vous irez me chercher les. Mais c'est vrai, on n'a pas inventé des mots. Vas-y, tu nous payes un stage de 6 mois en Afrique pour se faire. Maboya, une prostituée. Un macro, c'est un magouilleur. Quelle langue? C'est au Cameroun. Cameroun. Cameroun, d'accord. Y a-t-il des Camerounais dans la salle? Eh non. Oui? Tu savais, Maboya? Non. Ok, merci jeune homme. Mais je vais te donner des cours. Je vais vous parler en antenne, vous. Juste après Martin Garrix, t'en foutrais. Le mec, il est là, il fait non, comme Julien Cameroun, mais j'ai jamais entendu parler de ce mot. A tout de suite, on revient avec MHD. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the dark. You bring me back to life. And

Bien joué, très bien. Merci. Très bien, c'était très bien. ne t'en va pas trop loin. Non, je suis là, je suis à côté. Je suis à côté. Puisque maintenant, on va quand même. Attends, si, j'avais oublié. Attends, faut que je fasse un petit bisou à quelqu'un qui est en ligne, c'est ça? Comment il s'appelle la personne qui est en ligne? Il n'y a pas de prénom? Nico, ça va Nico? Ça va et toi Coco? Ouais, on a une petite surprise dans un instant pour le public, mais vas-y, pose ta question. Bah, j'ai vu qu'il y avait plein de comptes fake de MHD sur Twitter et il est impossible de trouver son compte officiel. Il n'y a pas de compte officiel? Plus ils offrent d'iPhone 7, plus ils sont fake, souvent. C'est ça. Ah, c'est vrai, en ce moment, les comptes fake, il y en a partout. De quoi, mon compte officiel Twitter? Ouais, j'ai vu qu'il n'y en avait pas ou je ne l'ai pas trouvé. Si, il y en a un, c'est MHD officiel, pas officiel, officiel. Parce que l'officiel, il a été pris par Un connard. Voilà. Il m'a taclé. Ça me rend ouf. Ouais, tu mets MHD officiel et. Officiel. Ouais. Ok, et super, merci. Et l'officiel, le mec, il l'a pris avant toi et du coup, il t'a niqué. Ouais. Oh putain, merde. Tu peux rien faire quand c'est comme ça. Non, tu fais rien, il l'a pris. Si, là, ça va être c'est toi. J'ai envoyé un message à Twitter, là, ils sont en train de régler tout. C'est ça. Toi, ça? Ouais, c'est ça. Ah, mais zéro, du coup, t'as pas la certification et tout? Si, c'est en cours. Ah, d'accord. Okay. J'ai zéro abonnement. Ah, il fait comme toi sur Instagram. Instagram. Ouais. Pas d'abonnement. Ouais, ça fait bien, ça fait vénère. Par contre, sur Insta, j'ai des abonnés. Non, mais lui, sur Instagram, il a personne. Il est tout seul. Pas d'amis. Il veut pas d'amis. Il veut super personne. Du coup, c'est nul parce que dans son fil d'actu, il a que des photos de lui. Il y a que moi. Je me kiffe, je me re-relike. Mais ça a aucun intérêt en fait pour toi. Pourquoi? Et il poste ses photos. Tu ne regardes que toi. Le but, c'est que tu les autres. Justement, il kiffe. Bah, je me kiffe. Ouais, mais je sais pas, normalement, tu follow tes potes. Bah ouais. Mais ça fait kiffer d'avoir zéro. Mais comme toi, tu vois, là. Non, je le fais sur Twitter, sur machin. Je le fais sur tous les autres réseaux sociaux. Je trouvais que c'était drôle sur Insta de ne suivre personne. Bah, zéro. Non, moi, je pourrais pas. Toi, tu vas les suivre après? Non. Ouais, je te fais un gros bisou, Nico. À bientôt. Bisous, salut. Bisous. Bon, c'est bon, ça marche, votre truc, les gars, c'est réglé? C'est bon, ça marche. Nous allons avoir une surprise, puisque dans ta chanson, dans la dernière, comme dirait Julie... Akele Etna. Akele Etna. C'est devenu le volcan. Etna. Je suis désolée. Akele Etna. Tu sais, on parle à une nana qui dit Instagram depuis des années. Ouais, j'ai du mal. Non, il y a une phrase qui dit... Le meilleur moyen de se ranger, c'est de s'unir. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas forcément que tu te ranges pour la vie. Ouais. Hein, des fois, tu te déranges. Hein, ça arrive. Des fois, on peut prévoir. Au moins, sur le moment, t'es là. Dans le public, je m'adresse à vous. Oh putain, il y en a qui me regardent. C'est ce qu'on a fait et tout. Je ne m'adresse pas au mec du public. C'est pas pour vous. Repos, tranquillité. Je m'adresse aux filles. Est-ce qu'elles peuvent se lever peut-être, non? Les filles, levez-vous. Allez-y, levez-vous. Elles ont peur, les meufs. Bonsoir, je vais dire, passe le micro, qu'on dise bonjour aux filles quand même. Le prénom? Tina. Bonjour Tina, à côté? Louise. Salut Louise, on va derrière. Le prénom? Safia. Ça va Safia? Ça va. Ouais, sourire, t'es tellement mieux que tu souris. À côté? Là, t'as pas passé le micro à côté, c'est pas sympa. Je l'aime pas, parce que je l'aime pas. Moi, c'est Kenji en tout cas. Salut, Kenjia? Kenji. Kenji comme... Le sculpteur. Pitano? D'accord. On y va, oui, mademoiselle. Navresse. Salut, à côté, on passe derrière. Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Carole, il en reste encore un petit peu dans le fond, qui sont tout là-bas dans le fond, on les avait pas vus. Voilà. Cindy. Salut Cindy. Il y en a une qui est cachée là. Eh bah vas-y, comment elle s'appelle? Brenda. Salut, pourquoi tu te lèves pas Brenda? Parce que mon genou il vient de me lâcher. J'en ai rien à foutre. T'as un mot du médecin, mon genou vient de me lâcher. J'ai l'impression de m'entendre moi quand j'étais en cours de sport à l'école. Mon genou vient de me lâcher. Je suis pas un claquage en me levant du siège. Vraiment. Non, c'est bon, reste assis. Et à côté, Céline. Et Pauline. Les filles. L'une d'entre vous, ici, va partir du studio avec une demande en mariage de son chéri. Ah ouais? Alors là, elles sont toutes en train de se dire, attends mon chéri, mais il est où? Il est à la maison, il est machin, il est truc, etc. Nous avons celui que nous avons appelé le chéri mystère, quelque part avec une voix. Vous m'entendez, chéri mystère? Mettez le micro, vous m'entendez? Loris? Oui. Oui, c'est pas Loris, là, c'est le chéri mystère. Oui, c'est le chéri mystère. Bonjour. C'est quoi cette voix? Bah, c'est la voix c'est la voix. C'est quoi cette voix? Chéri mystère, bonjour. Bonjour. Est-ce que votre chéri est quelque part dans le public? Oui, normalement. Ah bah ça, on peut pas vérifier, on la connaît pas. Non, c'est pas la est-ce que, c'est pas qui. Est-ce qu'elle sait que vous allez lui faire une demande en mariage? Non, pas du tout. D'après vous, elle va le prendre comment? Ah bien, j'espère. Hein. Elles ont toutes l'air inquiètes en tout cas. Ouais, tout en mode flippé. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Oui, plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, bah, il n'y en a qu'une seule. Bah, elle était plutôt pour. Hein. Plutôt pour. Mais la demande officielle n'a jamais été faite. Pas encore. J'ai envie de dire, enlevons le traitement sur la voix, mettons la voix naturelle. Vous m'entendez toujours? Oui. Rentrez dans le studio. D'accord. Rentrez dans le studio. Je crois qu'il y en a une dans le public qui est en train de se dire, est-ce que j'ai reconnu mon chéri? Oh, sa mère. Énorme. Jeune homme, allez-y, on n'est plus là. Allez-y, ah. Allez-y, allez-y. Faites comme si, on n'est plus là. Ok, il n'y a personne. Okay. Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu... Ah, tu veux qu'on tienne le bouquet? Donne-lui déjà, donne-lui. Oui, donne-lui, ne le garde pas. Julie, arrête de faire chier, c'est pas ton moment, c'est non, le sien. Je l'aide. Vas-y, mec, vas-y, vas-y, vas-y. Bon. Par contre, j'ai mis un genou ou pas? Oui, oui, oui, oui. Si, si, demande rien, demande rien. Bon. Sina. Bon. Bon, comme tu le sais, enfin, tu me connais assez pour. Ah, j'espère qu'elle te connaît assez, oui. Oui. J'espère. Donc j'ai rien préparé. Il est fantastique. Tu connais pour savoir que je suis à l'arrache. Non mais je préfère dire tout ce qu'il y a sur mon cœur, sur le coup en fait. Donc pour moi t'es une personne magnifique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et depuis que je suis avec toi, je suis un homme bon. Enfin j'étais pas mauvais avant, mais elle tremble. Parce que c'est que je suis un homme meilleur maintenant. Et tout ça, c'est grâce à toi. Donc, je voudrais finir le reste de mes jours à tes côtés. Donc, je voulais savoir si tu voulais m'épouser. Je sais pas. Non, c'est quand même. Elle fait pas ça. La balle jusqu'au bout. C'est ça. C'est bien, ils s'amusent à leur coup. C'est logique, bébé. Ouais, je veux bien, ouais. Oh, il a la bague de fiancée. Oh, elle pleure. En émotion. Ah, je vais pleurer. Ah, c'est beau. Moi, je trouve que c'est un moment. Je trouve qu'on en... Et si on finissait là-dessus et qu'on refaisait le titre d'MHD ensemble? Ah, bah, ensemble, du coup, là, oui. On le refait ou pas? Allez, on pleure, j'ai envie de pleurer. Allez, vas-y, on se refait. Et là, tout le monde debout, c'est en mode fête maintenant. Ça y est, elle a dit oui. Elle a dit oui. Mec, t'aurais quand même pu préparer quelque chose, hein. T'es arrivé vraiment à l'arrache, hein. La mine de papillon. Mais c'est bien, classe. Vas-y, on se refait, on se refait. Comment tu dis, Julie? Akelenta. C'est bien, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On n'assistera plus. Cette chanson, redonnez-moi vos prénoms, les deux. Dylan. Tina et Dylan. Tina, on va se dire que oh, cette chanson, plaise. On fait la fête pour vous, d'accord? Ah oui. D'accord. Et c'est prévu pour quand, si vous le faites, le mariage? C'est quand? Combien de temps, le temps de prévoir? Dans quelques années. Ah, j'ai rien préparé. Ouais, non, mais... je suis un peu à l'arrache, donc. Non, mais... en tout cas, c'est prévu. Ah oui, bah, j'espère bien. Eh ben, Dylan, Tina, MHD en live, c'est pour vous. C'est devenu un fait. Quand je marche avec lui, rien ne me ferait. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour, vous. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir, c'est bonjour, l'ambiance peut démarrer. On est tous dans la foule. On est présent, personne ne veut rater ça. Des petits aux grands, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami à quel état? Naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'il ne t'a pas franchi, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne peut que commencer. Ce soir, c'est bonjour. L'ambiance fait démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits grands. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, les souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami à quel état? choisi. Elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi, c'est ta dulcinée. À quel intérêt, ce soir c'est ton jour. L'ambiance peut démarrer, on est tous dans la foule. Tout le monde est présent, personne ne veut rater ça. Des petits aux grands, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, les souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel intérêt. Tina et Dylan qui nous a fait une petite danse à l'arrache. Bravo. À un moment donné. Tout à l'arrache. Bien joué les gars, et faites du bruit pour MHD qui est avec nous. À la Cigale, ne ratez pas au mois de janvier, partout en tournée. On est là, on est sur Énergie, c'est là que ça se passe. Allez. Koé, 19h, 22h sur Énergie. Ah, notre petit couple. Ils sont trop mignons. Il y a MHD qui vient de partir, il y a notre petit couple qui est là. Tina, je disais, ils sont ensemble depuis combien de temps vous êtes ensemble les deux? Dites-moi, c'est mignon comme tout. Bah, déjà un an là, déjà. Putain, déjà non. Mais on se connaît depuis. Voilà. Oh là là là là. T'as pas changé d'avis, tu veux toujours l'épouser hein? Non, toi? Ah, moi? Ah oui, moi, ah, toujours, ouais. Toujours. D'accord, ok, c'est bien ça. Vous êtes mignons. Ouais, ils sont nous, trop mignons. Hein. On avait l'alarme. Faut que tu regardes la, faut que tu regardes la date, hein. Nous on est prêts, moi j'y vais, hein. Le mariage. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. On a le temps. On a le temps. Mais il a l'air très mauvais en organisation, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Hey, Tina, c'est toi qui vas gérer l'organisation, parce que lui, c'est une cata. Hein. Non, mais je la laisse faire. Ouais, ça t'arrange en plus. Bon, allez, on fait un bisou à Kevin. Enfin, Kevin est là. Ça va, mon Kevin? Ouais, ça va, et toi? Ouais, Kevin nous a envoyé un mail. Alors, celui-là, il va vous faire rire. Je m'appelle Kevin, mon surnom est Grande Gueule, j'ai 15 ans, j'habite à Marseille. Je voudrais faire un petit passage dans l'émission de Koé pour me présenter, me mettre en avant pour les 3 années qu'il me reste à attendre, car je veux faire de la télé. Réalité. Et oui, moi aussi, je sais, j'ai tout ce qu'il faut pour y être. Si j'ai l'occasion de passer dans l'émission, j'aimerais. Bon, t'as tout ce qu'il faut pour y être, mais on a pas des muscles et des tatouages déjà. On n'a pas de photos, mec. Hein. Non, j'ai pas de muscles ni de tatouages, mais bon, je pense que le physique ne fait pas tout. Alors, télé-réalité, si le physique fait beaucoup quand même. C'est mieux quand t'as des muscles et des tatouages. Hein. Non. Bah écoutez, regardez Jaja's Secret Story, il n'est pas musclé. Regardez qui? Secret Story. Jaja's Secret Story, il n'est pas musclé. Jaja. Oui, parce que c'est le guet de service. Il y a toujours un guet de service. Ah, il est pas gaulé. Bah c'est vrai, il est là pour ça. Jaja, il s'appelle. Jaja, ouais. Il était un peu rond. Ouais. Il est gay pour le coup et il était dans le truc. Mais il est sorti, tu vois. Il a même pas gagné le truc, donc. Mais c'est pas grave. Après, le temps qu'il est passé, je pense que ça a déjà dû faire plaisir. Donc. Et alors, c'est quoi le but de, pour faire de la télé-réalité? C'est-à-dire que tu veux devenir célèbre? Voilà, moi j'ai toujours aimé montrer, montrer que j'étais là, quoi. Et, ouais. Bon, et dans quel but? Une fois que t'as fait Secret Série, tu t'es fait remarquer. C'est pour faire à long terme, c'est pour faire quoi? Bah, c'est pour être connu, avoir un petit public déjà. Est-ce que t'as déjà des fans, genre sur Twitter, sur les réseaux sociaux? J'avais. Pourquoi t'avais? T'as plus? Non, j'avais, là j'ai plus, non. Bah, comment ça t'as plus? Bah, j'ai plus, je voulais que je dise ça se passe comme ça. Hein. Mais non, mec, quand t'as des fans, t'as des fans. Oui, non, mais en fait, j'ai arrêté de me... T'as rien fait. Voilà. Avant, tu faisais rien, mais t'avais des fans. Et puis après, t'as décidé d'arrêter de rien faire et t'avais plus de fans. Voilà. C'est pas clair du tout, tu sais. Ouais. Mais comment on peut ne plus avoir de gens qui t'aiment, des gens qui t'aimaient bien, ils étaient combien? En fait, c'était pas énorme non plus, quoi. J'avais des gens qui m'aimaient bien, qui m'appréciaient. Mais ils te disaient quoi? Ils t'aimaient pourquoi? Pour ma grande gueule. Ah d'accord. Et donc ils étaient combien à te suivre? Je sais pas, j'avais un K. Comment? 1000. 1000, un K. Ah 1000. Ouais. Ah oui, un K. D'accord. Ouais, bien. Voilà, et, mais après, du jour au lendemain, j'ai tout désactivé. Et puis après, non plus. Voilà, oh, t'en as eu marre de toute cette célébrité, hein? Non. Ça t'a saoulé, tu pouvais plus aller acheter tes bonbons tout seul, tranquille. Et qu'est-ce que t'as fait pour avoir un cas de fan? T'as fait des vidéos, des trucs comme ça? Écoutez, non, j'ai pas fait de vidéos. Ouais. J'étais moi, je mettais mes photos. Je marquais des petits textes, des petits coups de gueule. T'écrivais quoi comme coup de gueule? Tu parlais des gens connus? Là, par exemple, c'est ça, parce que j'ai arrêté il y a un petit moment déjà. Là, j'aurais pu marquer, je comprends pas pourquoi Sarah Frézo s'est pété une dent par l'autre. Là, par exemple, je sais pas, j'aurais cherché des. Cherche pendant un petit moment, tu vois. J'ai rien compris. J'espère que ce que tu fais, tu l'écris plus que ce que tu me dis. Sarah que des anges. Voilà. Sarah des anges s'est pété une dent. Mais en fait, ce que tu veux faire, c'est Jerem Star. C'est ce que j'allais dire. Ce que t'as envie de faire, c'est commenter la télé-réalité. Bah lui, il a pris le créneau, il a eu raison, ça va. Il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Bah attends, les gens, ils viennent chez lui. Il a tout compris, hein, Il fait des reprises, il donne des exclus. Ouais. C'est vachement bien, tant mieux pour lui. Non, puis le coup de son bain, il avait un vrai concept dans son truc. Mais bon quoi? Non, moi je préfère passer à la télé, quoi. C'est mieux. D'accord. Toi, tu veux passer à la télé, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Imagine si tu faisais les anges, il faut un but. Ouais, ce serait quoi ton projet? Ça, c'est de la merde, leur but. La comédie, non? La comédie? Pourquoi tu prends pas des cours d'acteur et tu fais pas du théâtre ou un truc comme ça? En fait, moi, je sais pas, après, si on regarde bien, je sais pas, plusieurs personnes de la télé-réalité, ils ont pas tous un but non plus. Non, mais te fie pas aux personnes de la télé-réalité non plus, c'est pas vraiment un exemple. C'est ce qu'il veut être, c'est des exemples. Ah oui, mais bon. Bah Julie, nous on trouve que c'est de la merde, mais c'est notre avis à nous. Il y a des gens qui trouvent ça super. C'est votre avis. Moi je fais pas partager mon avis. Des fois j'ai des avis tranchés, mais je fais pas partager mon avis. Il y a des gens qui trouvent ça super la télé-réalité, tant mieux. Mais quoi, Véro, l'autre fois. Comme quoi? Qui? Ah oui, Véro, la maman qui voulait faire Secret Story. Ouais, qui c'est qui a hurlé à côté? Comment t'as quitté qu'à hurler? Ah bah tu viens d'écraser quelqu'un alors. Mais toi t'as plus de chance peut-être, mais après t'es très jeune là, t'as quel âge? 15 ans, il a encore 3 ans devant lui pour y arriver. Ah ouais. Bosse mon gars, bosse! Lis des BD! Entraîne-toi à la salle de sport! Des BD, Fais-toi des tatouages! Regarde l'intégralité des anges, non, mais, des Marseillais! Et même, là, ce que je reviens sur ce que disait Guéguette, c'est très stéréotypé les castings de télé-réalité. Ils ont besoin de la cagole, du mec musclé tatoué, le guet service, je suis désolé de dire, c'est ça. Et voilà, il faut essayer de rentrer, regarde bien, il faut essayer de rentrer dans une case. Il y a toujours un vieux. Ouais. Il y a toujours un vieux ou une vieille dedans. Il te pose plein de questions, il te met devant une caméra, etc. Moi je l'ai fait. C'est vrai, tu voulais faire quoi? Mais tu nous l'avais pas dit ça! On m'avait proposé sans faire les castings, parce que c'est aussi du casting sauvage, de faire Opération Séduction. À l'époque sur le catamaran là. Vraiment bien. Voilà. Et il y avait Ariane Brody et tout ça, voilà. Et du coup, on m'a dit de ne pas le faire, mais effectivement, tu te retrouves devant une caméra, on dit de te mettre en maillot de bain, on te pose plein de questions en condition, des questions personnelles, etc. Et il faut que tu fasses ton show pour le coup. Et si ça leur convient pas, et ben ils prennent pas, tu vois. Ouais, malheureusement, après ça se passe comme ça. Bon, après, on verra. Après, voilà, moi je veux faire ça, mais après, c'est pas dit que je vais le faire non plus. Non, mais après, peut-être je vais tenter. Après, dans la télé-réalité, t'as aussi, c'est des têtes de cons. C'est-à-dire que t'as envie de les gifler. Exactement. Mais c'est intéressant dans un groupe, le mec que t'as envie de t'y mais t'énerve. C'est pour ça, tu peux pas savoir dans quel. Enfin, c'est compliqué, tu peux pas être sûr d'être pris. Tu sais jamais de quoi ils ont besoin au moment où ils sont. Voilà, ouais. Mais moi je sais que si, par exemple, ils me prennent. Et voilà, c'est parce que je vais ouvrir ma gueule, ça va être le mec à l'histoire, quoi. Vas-y, ouvre ta gueule sur un truc là, vas-y, balance un truc. non, je peux pas, ça se passe pas comme ça. Bah si, t'as bien un truc en télé-réalité là, un truc qui t'énerve. Je sais pas, quelqu'un qui m'énerve. Déjà, je comprends pas pourquoi la Kim Kardashian, elle vient 3 fois d'affilée, la meuf, elle s'est fait frapper ou elle s'est volée, elle s'est séquestrée, je sais pas quoi. Ça non plus, j'ai pas compris leur délire, autant c'est un coup de l'État, enfin, je sais pas. Un coup de l'État. Ça y est, on est passé dans une catégorie. C'est François Hollande. C'est Poutine. C'est les Illuminati. C'est secte, tout ça. C'est le prieuré de Sion. Tu vas voir, on en parlera. Je te fais un bisou, Kevin. Bonne chance, c'est mon choix. Hein. C'est pas mon choix. Ah bah oui, c'est mon choix, Kevin Thomas. Et c'est un parent. Allez, bisous, à bientôt. Ciao, mon gars. Ciao, porte-toi bien. Écoute, si tu veux y arriver, que tu y arrives, tant mieux. Vous gagnez sur le pack énergie Apple et Lady Gaga. Ah bon ? Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2.

Guillaume, attention, c'est pas encore dit au revoir. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Demain, il y aura 1500 euros à gagner avec la Poste, c'est comme ça que ça va se passer. 1500 euros cash, et puis demain avec nous, il y aura Richard Orlinski et Eva Simon. Ouais. Quand est-ce que j'annonce mon toc toc toc? Demain. Demain, je vous annoncerai. Ah, pas avec qui on va faire le toc toc toc, puisque vous n'êtes pas encore inscrit. Non. Mais je sais avec quelle star nous ferons le toc toc toc et quelle star j'amènerai chez vous. Oui. Le prochain, je vous l'annonce demain. Demain, 19h, bam, c'est l'annonce. Ah, mais qui direct sait 19h. Hashtag qui sera là pour le toc toc toc de demain. On le fera tourner dès demain. Je vais faire un bisou au petit couple qui est avec nous quand même. Oh, ils étaient trop mignons. La demande en mariage. Ça m'a fait plaisir de vous voir. C'est quoi, ça a été un peu d'émotion. Et je trouve qu'on se dit, il n'y a pas assez d'émotion. C'est passé, t'as raison. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ma demande d'ici dans ton émission. Ça m'a fait plaisir. Il est trop ce qui me fait doublement plaisir, c'est que quand je vais t'inviter dans 7-8 ans, dans votre mariage et tout. Tu diras, mais quelle connerie j'ai fait à l'époque. Tina, tiens, passe le micro un peu, Tina. Tina, mariage, tu le ferais où? Ah, comme ça, tu devrais choisir. Tu choisis, tu le fais où? Ben, aux Antilles, vu que je suis de là-bas. Quel endroit? Martigues. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Quel endroit, Fort-de-France? À côté, la Mantin. Ah, je connais. Vous payez les billets pour nous ou pas? Ouais, mais c'est tellement beau. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, mais si tu te débrouilles bien, tu peux tirer des bons prix, Martin. Ah ouais. Si tu prends à un certain moment, il y a plusieurs compagnies. Tu peux gérer le. Si tu vas en bateau à la barque. Non, tu peux gérer le prix. Il y a 2-3 compagnies. Hein, si tu pas de conneries, tu peux. C'est pas la plus chère des destinations, Martinique. C'est bien. D'accord, je note. Oui. On sera là. Oui, non, sérieux. Qu'est-ce qu'on mangera? Fais-moi plaisir. Quoi? Ne me fais pas manger ce truc-là qu'on mange à la Martinique partout. De quoi? Que je sais que vous adorez ça, je vois ce que mais il y en a partout. C'est cette espèce de gros coquillage à qui vous défoncez la gueule là. Je sais pas. Du lambi? Ah, oh, du lambi. C'est bon ça, le lambi. C'est dégueulasse le lambi. Ah, j'adore. C'est une espèce de truc. T'as l'impression que le mec il t'a mis un chewing-gum et t'es là et je mâchouille. Ah, et non, tout le monde. Fait, et en fait, il faut le. Bah, ils le prennent, ils le défoncent le lambi et en fait t'as un truc. Ah, j'aime bien moi. C'est comme si t'avais un gros bout d'escargot mais plus. T'as mangé au mauvais endroit. Non, j'en ai mangé plein. Je ne pouvais plus du lambi. À chaque fois, on me disait et aujourd'hui, il y a du lambi. Mais laissez-les ces petits lambis, laissez-les tranquilles. Moi j'aime pas donc ça m'arrange. Ah bah tu vois, tu m'as dit c'est bon tout à l'heure. C'est pour faire la pub. C'est caoutchouc. Moi j'aime ça si tu veux. On est d'accord. Non, c'est vrai, ouais. Ouais, merci beaucoup. C'est comme le poulpe un peu. Non mais ce qui est bon c'est tout ce qu'ils mettent autour parce qu'ils le mettent à plusieurs sauces. Mais le lambi en lui-même, putain, v'là le morceau de caoutchouc que tu mâchouilles. Ouais, je vois à peu près ce que c'est. Alors laissez-les. Moi tu sais quoi, je vais lancer un groupe. Laissez-les lambis. Laissez-les lambis. Si, on va pas les laisser tout seuls. C'était pas si mal que ça. Bon, je vous fais un gros bisou. On va revenir, mais avant de partir. T'as été gentil là-dessus. Dans le public, ils ont déjà commencé à se foutre de ta gueule. Et après, il a rattrapé. J'ai été gentil parce que je me suis dit. Non, je vous disais une histoire que je voudrais pas qu'il arrive à beaucoup de gens. Un homme de 68 ans qui était millionnaire, qui habite à Miami, vient de découvrir que sa nouvelle épouse de 24 ans était en fait la fille de son propre fils, autant vous dire, vous l'avez compris, sa petite fille. Oh. C'est-à-dire que le mec, il épouse la nana, je vous passe le détail, bim, bim, bim, bim, bim. On regarde les albums photos. Il regarde les albums photos avec la famille, tu vois, et puis il dit, oh non, là, j'ai dit, tiens, ça c'est mon papa. Et là, le gars, il dit, mais c'est marrant parce que ton papa, c'est mon fils. Ah là là, mon Dieu. C'est un enfant qu'il a eu lors d'un premier mariage. Et sa femme l'avait quitté et elle s'était barrée avec les enfants. Et en fait, il. Il n'avait jamais eu de nouvelles. Il n'avait jamais eu de nouvelles. En gros, s'ils ont un enfant, ça sera en même temps le frère du père de la fille et son petit-fils. Ouais, c'est vrai. Papy frérot, quoi. Ça va être comment tu l'appelles? Ah, c'est un bordel. C'est surtout que. Oh, le bordel. Là-dessus, je vous embrasse. Mais avant de partir, le mot de la fin de Stouff. J'ai été très méchante. Merci. Sur Énergie. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on est parti. Soyez les bienvenus, il est 22h02 en direct. Nous, Guillaume Radio 2.0. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la maison. Le standard est allumé. La voix est cassée, mais c'est pas grave, on est en direct. Alors, vous voulez venir délire avec nous, le standard donc marche en tapant Guillaume au début du texto. Et vous envoyez au 6-11-12 le message. Guillaume et votre message au 6-11-12. Ou par texto, ou par appel 0870-42-48. Je bug parce qu'en fait, je me rends compte que c'est mon ordinateur que j'ai laissé allumer avec le son derrière. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, les potos, au boulot ou en cours. On est parti jusqu'à minuit. On va faire tout à l'heure un jeu concernant la mafia. Parce que toute la semaine, il y a le jeu Mafia 3 qui sort le 7 octobre. Et du coup, on a l'occasion de cette sortie-là. On offre tous les jours des PS4 avec des Mafia 3. et on fait un jeu en rapport avec la mafia que vous nous proposez par Twitter. Il y en a un qui m'a proposé de faire une roulette russe comme à l'époque. On avait un pistolet avec un pistolet spécial relié à une bombe à eau et on va tirer au-dessus de nos têtes. On va faire une roulette russe de bombe à eau juste après. Ça va, j'ai stagiaire. Ouais, ça va très bien, Guillaume. Salut tout le monde. Ça va. Pourquoi tu grimaces? J'ai un petit peu peur là pour la roulette. Ça te fait peur? Je le sens pour moi ce soir. Ah, c'est vrai? Non. J'ai amené un t-shirt exprès de rechange et je sais pas pourquoi là. J'ai la poisse là. Ouais. Il a emmené un t-shirt. En général, ça tombe toujours sur JM du standard. Ouais, oui, mais bizarrement. Mais c'est vrai. Ouais, en général, on pourrait croire que c'est JM qui a la poisse. Jamais. Ouais. Oui, mais là, ce soir, je sens. JM, moi, on verra à la fin, mais. Écoute, JM du standard, tu sens que c'est pour toi ou pas? Bah, j'espère pas, parce que moi aussi, je suis un peu malade, donc j'espère que ça va aller. Ouais. La bombe à eau là, à 22h et quelques, va être bonne. Je vais te dégoûter. Ça va réveiller. Bonsoir, Julia. Salut, Guillaume. Salut tout le monde. Ça pourrait être sur toi avec tes nouvelles. Ça serait mieux, ça, franchement. J'ai fait brushing et tout. Ça serait la première. Quand tu pas ton brushing, il va voler. Il va voler, ma belle. Ça va, Flo des cadeaux? Salut Guillaume, ouais, ça va tranquille. Ça va tranquille aussi. Une petite bombe à eau dans la gueule ou pas pour commencer la journée? Avec plaisir, j'ai jamais perdu encore, donc j'aimerais bien essayer. À ce soir, eh ben, on verra ce que ça donne. Alors, par texto, voilà, Guillaume au début, vous l'envoyez au 611-12. Hein, du coup, voilà, Thomas, voilà, depuis plus de 5 ans que j'écoute, j'ai jamais gagné, mais j'y crois encore et toujours autant la patate grâce à vous, l'ambiance à fond. Merci beaucoup. Enfin, vous revoilà. Salut, ravi Zaina. Salut. Aujourd'hui, ma copine m'a trompé avec mon meilleur pote. Je suis tellement mal. Aïe. Ça va faire un an que je te suis et c'est pas prêt de s'arrêter, Amandine 27. Merci beaucoup. Merci. T'inquiète pas, Guillaume, ta voix est toujours aussi sexy. Salut, bisous de Lyon. Bah, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous entendre tous les soirs, les potos. Salut Thomas du 27. Alan du 60, trop content de vous écouter. Merci pour le FIFA 17, je viens de le recevoir. Salut Edwin de Cambrai. Salut, mec. On vous en offre encore des FIFA 17, ouais, on en a plein. On vous les file après, on sera. On sera plaisir avec Snake tout à l'heure. Et il y a le double hit qui tombe. Ouais. Il y a le double hit. C'est ce soir, Guillaume. Ah, ouais. C'est vrai. Il n'avait pas d'air d'eux. Non, les deux. Pour la même personne. Pour la même personne. Ah, là, c'est vrai. C'est ce soir. Et ça te viendrait pas l'idée de me le dire avant 22h05? Ah, ben, qu'il arrivait. Ah, alors c'est un très très beau cadeau que nous vous offrons ce soir, messieurs dames. Je sens que je n'ai plus Soprano qui part 5 secondes après que j'ai pris. Soprano en feu. Si tu me parles, PNB. Si tu me parles, PNB. Si tu me touches, PNB. Car moi ce soir je suis en feu. En entier. Et alors du coup, bah putain, il y a les iPhone 7 et les putain et l'iPad Air 2 pour la même personne. Ah, c'est beau ça. C'est quand on entendra deux hits de Lady Gaga. C'est ça. Voilà. Autant vous dire que ça va tomber dans quelques minutes. on se fera Richard Orlansky aussi. On se fera Alessiono. On se fera Soprano. Bah tous les nouveaux hits. Alors là, il y a des chiens là. Alonso, on se calera Binta tout à l'heure aussi. Bien. Voilà, il déchire Alonso là. Kiffe, bonjour à tous, et ben bonjour à toi, merci. C'était meilleur. Salut Chami 02, bonsoir à toi Chami, salut dans l'Aisne. Grosse journée de merde au boulot, l'horreur, vous êtes les soleils de ma journée, Zéna. Ah ouais, putain, je suis content. Hein, parce c'est soleil, pas ma quoi. Journée non plus là. Putain, galère toute la journée, on en parlera tout à l'heure, mais bon, j'espère que votre journée a été meilleure que la mienne. Et puis, si vous voulez venir délirer, vraiment, c'est votre radio. Vous envoyez Guillaume et votre texto au 612. Il arrive sur mon écran d'ordinateur, c'est vraiment tout bête. Et puis, je pourrais lire le message. Là, voilà, j'ai rêvé de toi la nuit, mais je ne sais pas à quoi tu ressembles. Bah, alors, t'as dû rêver d'une forme bizarre. La boîte. Salut à Nico à Bordeaux. Concours de shooter de vodka et des putes pour le jeu de la mafia. Faut rendre chez lui. Non, attends. Le meilleur, je te kiffe, mes soirées ne sont pas les mêmes. Salut Mathieu. Salut. Ça m'énerve de plus faire les pervers. Alors ce soir, il n'y aura plus les pervers, on ne fait plus les pervers. Et là, c'est fini. J'ai expliqué pourquoi hier, je n'ai pas le droit de le redire. Vous aurez compris pourquoi. Voilà. J'ai eu. Voilà. Donc on n'a plus le droit de faire les pervers, mais c'est pas grave. Donc en tout cas, on fera autre chose ce soir. N'est-ce pas? On va faire le jeu. Bah déjà ce soir, on fait le jeu des roulettes russes. On verra ce que ça donne. Il y aura Guigui de la régie qui nous fait écouter les sons qu'il a trouvé qui déchirent sur la net. On le fera tout à l'heure aussi. On se fera Gims et Jules. Je garde la foi. Je suis le chanteur. Tu m'entends, Camille à Grenoble? Ça va. Camille? Seul je vais. Grenoble? Allô. Camille? J'ai trop bu. Grenoble? Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Il voulait me la faire à l'envers, il est beau. Je suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, tout les légions. Je voudrais demander à ma copine en mariage, est-ce que t'as des idées originales? Bah, laisse ton numéro, faut on va t'appeler. La calvitie du stagiaire, c'est comme le Vésuve, le cœur sans rien intérieur. J'ai pas compris. C'est comme le Vésuve, donc c'est un volcan. Ouais, en Italie. Le cœur sans rien, l'extérieur noir. J'ai pas compris. J'ai un cœur sans rien, j'ai pas compris. Ah oui. Salut Mickaël, je vous adore. Bonsoir à toi. Salut. Super ton émission, c'est qui pas. Salut Fab du 30. Voilà, vos dédicaces, ils arrivent. On dit merci Vincent pour le double hit. Salut, ça va être énorme les pervers. Ah non, c'est pas. C'est vrai, il y a pas. Je vous ai attendu toute la journée les potes. Salut Mathéo. Salut mec. Je te kiffe de ouf. C'est quand le double hit? Et ben il arrive juste après le double i. si vous mettez du sperme dans les ballons, Julien fera exprès de perdre. J'y vais. Allez, est-ce qu'on va faire un jouer avec une bombe à eau tout à l'heure. Camille qui est là. T'as 19 ans, c'est ça, t'es de Grenoble? C'est ça. On s'est vu ou pas quand on est venu à Grenoble faire l'émission là-bas? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, t'es venu? À la FNAC. Oui. C'était trop bien. T'étais venu à la FNAC ou dans l'émission aussi? J'étais venu dans l'émission avec ma sœur. Ah, trop bien. Ok. Ouais. Et alors, l'équipe, tu l'as trouvée comment en vrai? Attention à ce que tu dis. Ah ouais. Mais je vous ai déjà vu plein de fois, moi. Ah, c'est vrai, tu nous as vu? Ouais, je suis venu à Paris et tout. Ah bah d'accord, bah alors et bah, et ça n'empêche pas, tu trouves l'équipe comment en vrai? Ah, t'as un avis forcément. Genre Julien Stagiaire. Non, c'est, normal que, c'est normal que je demande. Moi j'adore vous écouter, vous êtes mon émission préférée donc Ah c'est vrai, merci beaucoup. C'est pareil, elle a pas répondu, voilà. C'est bon. C'est gentil ma chérie. Mais, vraiment c'est non mais c'est super cool. Ça me fait toujours plaisir quand vous me dites ça. Mais ça fait plaisir aussi de vous voir en vrai et tout, c'est kiffant, c'est pas ouais. Pareil. Tu les pensais différents, vraiment. Attends, on dirait une agriculture. C'est des vaches. Tu les pensais plus gros. Est-ce que tu les trouvais moins odorants? Non mais c'est. Non, est-ce que tu trouvais qu'ils bougeaient trop la queue, ces vaches? Il y a beaucoup de mouches en général. Ouais. Ça, on aurait... Ils mangeaient du foin. Ah, bah, oui, bah, c'est gentil. T'as une belle image de moi. Voilà, merci. Il y a la blague de JM du standard. Ouais, ah, oui. 22h09. Chaque soir, c'est l'heure. Tu connais Camille, la blague de JM du standard? T'as déjà entendu ou pas, Camille? Non, ça me dirait. Bah, tous les soirs, on est dans l'émission préférée. Depuis une semaine, on commence l'émission par la blague de JM du standard à 22h09. Mais non, ça fait au moins 5 ans que je vous écoute. Bah, en fait, je vous ai découvert, mais depuis le début pratiquement. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ouais. Bah, en tout cas, tu n'es pas présente en début d'émission, ouais. N'est-ce pas? Pas assidu là. Tu finis le prime, n'est-ce pas? C'est pas grave, écoute, on va JM du standard à 22h09. Commence ta blague. Chaque soir, on fait une petite blague. Il essaye d'en sortir des plus ou moins bonnes. Et puis voilà, il appelle tous ses tontons bourrés du sud. Ah non, ils sont pas bourrés, mais pour avoir des bonnes vannes. Elles sont pas toutes bonnes, mais parfois, elles sont exceptionnelles. Ouais. Et donc nous espérons. Ah, c'est un cru comment aujourd'hui là? C'est pas mal, c'est bien, ça fait rire. Ah, c'est pas mal. Bon. Non, ça va. Ça fait rire. Quand il dit ça fait rire, ça veut dire qu'elle est pourrie. C'est mauvais. Ah, c'est mauvais signe. Et déjà, c'est mauvais signe quand il nous l'annonce à mort. Alors, il dit ça, Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me parles, je fais un peu. Si tu me parles, je fais un peu. Si tu me touches, je fais un peu. JM du standard, ouais. On t'écoute. Première blague de la soirée, c'est parti quand tu veux. Alors, ce mec va voir son pharmacien parce qu'en fait, il a un gros problème. On va recommencer. Ouais. Excusez-moi, quand il bug au premier mot. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je sais pas ce qui se passe dans sa bouche. Ouais, moi aussi, ouais. Allez, c'est la JM du standard. Ça, on essaye. T'as vu, mais tu prends des cachets ou pas? Oui. Et moi, je prends de l'amoxicilline, du soluprès, de la pansogène, de la cortisone. Ouais, c'est pour ça aussi, ouais. Et je prends du Dolirum Pro, je prends ça. Dolirum, c'est bien. Je me bourre. Je me fais transpirer. Je dois apprendre. T'es un peu dopé là, non? J'en ai 15 cachets par jour. C'est mauvais. Bah, c'est deux de l'amoxicilline. Ouais, deux soluprès le matin, ça fait 4. Deux amoxicillines le soir. Deux amoxicillines le midi. Ah, les mélanges. Ça fait déjà 6, 7, 8. Plus 3 Doliprane dans la journée. Elle boit pas. Et c'est pour ça que j'ai du mal à parler un peu plus. Ah, mais je crois que. Je sens que mon cerveau. Non, mais toi, c'est tout le temps. Je pense que se passe dans on y va, JM du standard, ouais. C'est parti, la blague de JM du standard, on t'écoute quand tu veux. Alors c'est Julien, la pute à Kadhafi, arrêtez avec ça. J'ai raté les messages méchants sur GSG. Kadhafi, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Non, alors là, non. Énergie, ouais, Guillaume, mettez les capotes dans la tête, merci beaucoup. Salut, t'es trop cool, je change pas. Merci les gars. Alors on y va, JM du standard. Allez, on est parti, Guillaume. J'ai une question très importante, est-ce que Julien Stagiaire est-il actif ou passif? Il est actif avec les filles. Ça lui arrive de se retrouver un petit peu en levrette avec ses petits cheveux. Ouais, c'est si c'est la question, pas du tout. Vous vous posez. J'ai pas de petits cheveux, j'ai des gros cheveux. Moi, je viens d'avoir une fille que je l'aimais et elle m'a dit qu'elle me répond demain. C'est bizarre. Ah bah. À mon routier que j'ai suivi ce soir, ça faisait longtemps. Bisous Laetitia. Peut-être qu'elle n'osait pas te le dire aussi en direct et qu'elle va t'envoyer un SMS, c'est possible. Julien, sale putain, je te pisse avec Arrêtez! Sale putain! Et je te fiste le cul avec une batte de baseball. Ah, mais il y en a qui sont vénères sur toi. Mais pourquoi ils ont mais t'as pas fait du mal à des gens, tu as mais non, non, je sais pas. C'est tu es dans la mafia, justement. Ça se voit, je suis pas dans la mafia. Un bar de nuit. Ah bah non, j'aimerais bien. Tu poses problème à des patrons de club. Pas du tout. Bizarre. Rien du tout, je te jure. Trop trop content de vous retrouver. Salut les gars, moi je viens d'avoir une fille que je l'aimais, elle m'a dit qu'elle me répondrait demain. J'ai vu ton message, mon frère, t'inquiète. Laisse ton numéro si tu veux passer. C'est à l'heure de JM du Standard maintenant de nous dire une bonne blague sans bugger, sinon nous reviendrons au début. Allez. Et la bombe à eau s'écrasera sur sa tête. N'empêche, elle aurait pu. JM du Standard, on t'écoute, c'est parti. Alors c'est un mec qui va voir son pharmacien et lui demande s'il a pas un remède contre la constipation, tu vois, parce qu'il en peut plus. Le pharmacien il lui dit oui, mais voilà. T'y crois pas à ta blague là. Mais si, je te connais, t'y crois pas. Il manque la conviction. Non, t'es pas convaincu de ta blague. JM du Standard qui est un énorme compteur de blagues dans tout le sud-est. Le mec il est demandé tout le pour les mariages, les bar mitzvahs, tous les trucs. Il fait tout. Et là, JM du Standard il est mou là. Non, je te sens pas, le compteur. Mets-moi de l'énergie. Ah, j'y vais. Sautis un peu là. T'as mal à la gorge? Ouais, j'ai de la température de. Ah oui, t'as une angine. J'ai une angine. Bon, à mon avis, je pense qu'on a tous une angine. Moi je l'ai pas encore, angine. On a tous un peu d'angine en nous. Mais c'est pas ça qui nous. Attends, je vais te dire, tu prends des cachets ou pas pour soigner? Tu prends quoi? Rhinadville, Dolirum, pareil. Non, mais ça, c'est pas des cachets, bordel. Vous comprenez pas la différence entre des cachets pour se soigner et des trucs pour enlever un petit peu les symptômes. Ah, mais faut aller chez le médecin. Ouais, je sais. Une angine, ça va te rester longtemps, sinon. T'auras plus de voix toute la semaine. Et vu que tu fais de la radio, je me permets de te dire que tu pourrais te soigner. Parce que sans voix, c'est la merde. Et le fait de prendre de la cortisone, ça donne un petit peu d'énergie. Mais il faut une ordonnance. Et je sais, c'est peut-être pour ça que j'aime le standard un petit peu. En dessous. Ah, mais il peut aller voir un médecin, puis il aura une ordonnance aussi. Oui, une carte vitale, je pense. Mais c'est pas en prenant des solutricines ou des pastilles à sucer. Les strepsils. Oui. Ça existe plus, solutricine, les vieilles pastilles. Ah, c'est aussi bon ça. Voir un peu ça, les deux faces là. Ouais. Ah oui. Allez, JM du Standard, on t'écoute. Avec un petit peu d'entrain. Ah ouais, j'essaye. Un petit peu de plaisir. Ah, évidemment, non, mais... un petit peu d'énergie. Allez. Sinon, on va être obligé de t'envoyer travailler sur Radio. Ah non, pas là-bas. Radio Grenouille à Marseille. Ah non. Allez, Radio Galère à Marseille. On les embrasse. Ouais, salut. Ouais. Allez, on t'écoute, JM du Standard, c'est parti. Alors, c'est un mec qui va voir son pharmacien et lui demande s'il a pas un remède contre la constipation. Le pharmacien lui dit oui, mais par contre, attention, le remède il est super efficace, donc il commence à poser des questions au mec. Il lui dit, alors attendez, de la pharmacie à chez vous, il y a quoi? Il y a 500 mètres. Alors là, il prend un liquide rouge et le met dans un flacon. Du bas de votre immeuble à chez vous, il doit y avoir quoi? Les 50 mètres. Là, il prend un liquide bleu et le met dans le flacon. De la porte d'entrée de chez vous jusqu'aux toilettes, il doit y avoir quoi? 10 mètres. Là, il prend du liquide jaune et il le met dans le flacon, pareil.